Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujets, débats, jeux et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Une très belle soirée, bienvenue sur Indestar, un peu plus de 21h, c'est le vendredi soir, ça y est, c'est la fin de semaine. Il fait beau, c'est l'été. Ça marche. Et en plus ça marche, le matos fonctionne, donc on est content. Teddy, à la console. Ça marche. Ça marche. Donc, c'est tout ce que j'allais dire. Ça va être son mot de la soirée, ouais. Ça marche. Non mais t'es bien là. Ouais. T'as une console. J'ai une nouvelle console, un truc qui s'appelle un Stream Deck. Oui. Alors ça c'est pas la console, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as un espèce de truc devant toi avec des petites touches et tu appuies dessus et ça balance un son. Ouais. Alors je tiens quand même à faire la description. Ils sont tous les deux tout sourire devant ce nouveau matériel. Ah ouais, parce que quand, quand on parle d'un gamin qui vient de recevoir un jouet, on Noël. A cette image là. C'est Noël. Mon jouet, c'est mon jouet. C'est Noël au mois de juin. Bah ouais. Il y a pas de date. On est le 25 hein, d'ailleurs. Hein. Oh. Ah oui, c'est vrai, c'est 6 mois en fait après Noël. Et bah, joyeux mi-Noël, hein. Mi-Noël, c'est ça. C'est un demi-Père Noël qui vient pour une Indestar. Du coup, est-ce qu'on a un demi-cadeau? Bah, non, on a eu un cadeau complet. Bah, on a pas eu un demi-cadeau parce que ça marchait à moitié. Hein. Oui, mais ça va bien fonctionner. Il faut qu'on apprenne à l'apprivoiser. C'est on va l'appeler Deck. Oh, gentil Deck. Oh, c'est gentil Deck. Ben à Deck. Oula, fais attention parce que. Ah oui, oh merde. Yeah. Non, je pensais à Ben Affleck. Hein. Ah, oui, moi aussi. Bah oui. Non mais oui, non mais je confirme Teddy, il y en a un qui a toujours l'esprit mal tourné. Ben Adek. Non mais moi je suis content aussi ce soir parce que on reprend petit à petit les habitudes d'une vraie radio dans le sens où les gens sont là physiquement parce que pendant des mois Teddy était tout seul dans son petit studio. Ouais. Il venait comme ça en échappant au contrôle policier. En douce. En douce. Il y avait les flics qui passaient, je me cachais dans les buissons. Exactement. Non, j'aurais bien aimé. Un soir, il a sauté dans le fossé d'ailleurs, il nous a raconté. Ah bon? Et le fossé, il y avait plein d'eau. Peut-être. Oui. Il s'en souvient pas. Mais voilà, ça durait quelques temps. Après, je me suis dit, je vais pas le laisser tout seul. Donc, je suis venu lui tenir compagnie. Mais on était deux. Et bon, le studio non, parce est pas qu'en fait, immense, il déprime. Excuse-moi, je t'interromps encore. Il faut dire qu'on sentait à distance Teddy déprimé tout bah seul. Oui. Bah hein. Oui. Et puis, en plus, Teddy est arrivé à 13h de l'après-midi pour une émission à 21h. Donc, tu sentais que ça allait pas bien, quoi. Bah, c'était pour pas être en retard. Ouais, bah ça, c'est sûr qu'il n'y était pas. Non, et puis petit à petit, alors là, je m'entends plus, mais petit à petit, on revient tous en studio et ça fait plaisir. Laura, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Oh, t'es heureuse d'être là. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ouais, bah oui. En plus, ça faisait un moment que j'étais pas venue même en distance, voilà. Ouais. Mais en physique non plus. Et en physique, ça faisait depuis le mois d'octobre. Oui. Rendez-vous compte le temps il passe. La dernière émission qui s'est passée depuis le mois d'octobre, c'était Actu Solite. Pléthore de choses, mon ami. Ouais. Tu as déménagé. Oui, j'ai déménagé. J'habite à Tours, donc c'est vrai que c'est un peu moins évident pour venir à Amboise sur place aussi. Mais j'ai déménagé, j'ai changé d'appart le week-end dernier, donc je suis très contente. Je vais profiter de la terrasse pour cet été. Wow. Terrasse que je n'avais pas avant dans l'ancien appart, donc ça c'est chouette. Et dans deux semaines, j'ai un petit chat. Oh, bah, vraiment ? Oui ! Oh putain ! Pourquoi t'as dit quoi ? J'ai pas entendu. Bah, il a dit un chat. T'as un chat. Comment il a deviné ? C'est dingue. Ouais, le talent. Bah oui, parce que je vous l'ai pas dit. En fait, c'est soit un gosse ou un chat, et généralement, c'est le chat avant le gosse. C'est pas un gosse. Pour spoiler, si vous venez d'arriver, vous comprenez rien, mais pour spoiler, en fait, Jolan, qui n'est pas là ce soir parce qu'il a une angine, le pauvre, nous a dit, mais. Laura, elle va être maman. Oh, mais oui. Mais d'un petit chat, c'est un délire qu'il a cru. Non. C'est que c'était pas, c'était un vendredi soir, donc la semaine dernière, il me semble. Non, mercredi soir, bref. La semaine dernière, j'étais au resto en terrasse avec mon copain et puis du coup, j'ai mangé une bonne grosse pizza et du coup après en rentrant, elle a fait des photos comme si elle était enceinte. Mais laisse-moi raconter mon histoire. Mais je les ai vues. Mais oui, mais occupe-toi de ton deck. Okay. Je non, et du coup, en rentrant du resto, on passe devant des vitrines et tout et je vois mon ventre sur le côté. Je suis en waouh, attends, si je mets mes mains comme ça, on dirait que je suis enceinte. Et du coup, genre, je suis rentrée à la maison ensuite et je me suis prise devant le miroir et j'ai fait en mode c'est pour bientôt. Et je te jure, il y a plusieurs personnes qui ont cru, qui m'ont envoyé des félicitations. et les amis qui sont flippés et qui savent bien que je n'ai pas envie d'enfant maintenant, genre j'ai eu droit à des points d'interrogation partout. Et j'étais en mode non mais vous inquiétez pas, t'as eu des appels genre des gens un peu angoissés en disant mais Laura sa mère quoi, comment ça. Non mais j'ai même encore reçu un félicitation tout à l'heure là en arrivant ici, mais j'étais en mode désolée de te décevoir mais du coup je ne suis pas enceinte, mais par contre je vais avoir un bébé chat. Il y a un petit bébé chat qui arrive à la maison et il va pouvoir profiter de la terrasse. Et t'as un jardin aussi ? Bah, en fait, du coup, notre appartement est en niveau rez-de-jardin. Donc, en fait, c'est tout comme, mais sans qu'on ait besoin de tondre la pelouse nous-mêmes. Donc, ça, c'est très bien. T'as les avantages sur les inconvénients. C'est parfait. Ouais, non, mais c'est chouette. Mais dis donc, ça devait être une sacrée grosse pizza pour que tu prennes un tel ventre. Mais de toute façon, le soir, mon ventre il gonfle dans tous les cas. Et en plus. Avec ou sans pizza alors ? Avec ou sans pizza. Enfin, le fait de manger le soir, ça fait automatiquement gonfler le ventre, que ce soit mec ou meuf d'ailleurs. Ça fait tout le monde à peu près ça. Mais la pizza, elle était super bonne en plus. Genre, c'était une pizza base crème, courgettes, huile d'olive, enfin vraiment les saveurs de l'Italie. Sans la courgette, du sud. Ouais, et fromage aussi, fromage italien. Ah bah ça voilà. Pepperoni, mozzarella. Donc dans Zoro là. À chaque fois que tu prends l'accent, ça passe. Hein, c'est vrai. Mais c'est des vrais fromages. Bon, et Daniel, t'as pas de jardin toi chez toi. Ah non, j'ai pas de jardin. Mais tu es au rez-de-chaussée. Oui. Ouais. Oui. J'ai une terrasse par contre. Au rez-de-chaussée aussi, mais il y a pas de jardin. Ouais. Et donc l'avantage, c'est qu'il y a même pas de pelouse à tondre. Ah, c'est pas faux. Mais en même temps, t'as pas de pelouse à profiter. Sauf un peu plus loin. Ah oui, sauf un peu. Mais c'est comme moi, en fait. Moi, c'est en fait, c'était dit l'intrus dans l'équipe parce qu'il est pas au rez-de-chaussée. Je suis au rez-de-chaussée, mais j'ai pas ni de jardin, ni de voilà. Mais par contre, en face, il y a un superbe terrain bien tondu, de l'eau, un petit pont. Enfin, ouais, mais ça y appartient pas. C'est public. C'est public, mais il y a personne. Oui, mais ça fait un plaisir des yeux à voir. C'est comme moi, genre juste en face de la terrasse. En fait, du coup, c'est tout arboré. Et du coup, il y a des bambous, il y a un palmier. Donc, ça donne l'impression que c'est mon jardin de bambous. Alors qu'en fait. C'est ça. Il y a juste une route entre les deux. C'est quand même vachement bien. Tu sors de chez toi, t'es à Tahiti. C'est quand même génial. Bah oui, non, mais t'as vu. Non, mais je compte mettre un palmier aussi sur ma terrasse. Comme ça, je serai 100% à Tahiti. Ah ouais, là. Mais en vrai, les bambous, vaut mieux les avoir chez les autres. Mais dis donc, la case. En vrai, il y a des bambous à Tahiti. C'est chiant à entretenir. Mais dis-moi, tu mettras des hamacs dans la case quand t'auras les palmiers, là, tout Tahiti. Ah bah déjà, j'ai installé une petite table et deux petites chaises, voilà. Donc quand il fait beau, je vais sur la terrasse. Bah oui, la plus grande question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des bambous à Tahiti, tu vois. Je sais pas, j'ai jamais été. Peut-être pas. C'est ça qui me choque le plus. Oh d'accord. On peut. Si vous nous écoutez Tahiti, plantez des bambous, on verra ce que ça donne. Et surtout, dites-nous ce que ça donne. Hein. On a besoin de savoir. Mais... parce que Laura, la pauvre, finalement, elle se dit j'ai peut-être fait une connerie. Deux. Mais quelle connerie. Bah, t'aurais dû penser à mettre des bambous. Ah, mais c'est pas moi qui les ai mis, les bambous. Ouais, mais c'est pas grave, moi j'ai retenu que toi. D'accord. Non, mais d'ailleurs, ce soir, le thème, c'est pas jardinerie. Alors, effectivement, c'est un peu éloigné du sujet. Parce que là, vous allez vous dire, ouais, ok, ce soir, c'est émission de jardinage. Donc, rien à voir avec la pop culture. Peut-être qu'ils vont nous parler du jardinage dans les séries. Non. Non. En fait, on va vous parler des ovnis. On va vous parler des objets non identifiés, des extraterrestres. Est-ce qu'il y a des extraterrestres jardiniers ? S'il y en a un qui nous écoute. Bah, j'imagine que s'il y a d'autres planètes sur lesquelles comment vivent tu donc, ta planète des extraterrestres, pour le coup, ils doivent alors, avoir pour des. Pour Mars, il faut un peu de graminées. Mais non, mais ce qui serait important de poser comme question, c'est est-ce que sur les planètes, alors Mars, on sait que non, il y a pas de gens qui vivent sur Mars. Tu crois? Bah, jusqu'à preuve du contraire. Tu crois? Dans quelques années, peut-être. Mais pas l'idée, pour l'instant. C'est est-ce que les bambous poussent là-bas? Tahiti, ok, mais sur la planète Krypton, est-ce que ça pousse? Ils ont Tahiti sur Mars? Non. Alors, t'es pas obligé d'avoir Tahiti pour avoir des bambous. Non, ils en ont. Je crois que j'ai raté un épisode. Ouais, alors. Ouais. D'accord. Mais voilà, on va vous parler des extraterrestres au travers de la pop culture. Alors, moi, je vais vous parler de la série OVNI. Toi, Laura, c'est les extraterrestres sympas? Oui, les extraterrestres déjantés mais gentils. Déjantés mais gentils dans les séries et les films. Exactement. Daniel, tu vas nous raconter une histoire. Ah ouais. Parce qu'on aime les histoires. Ouais. On va tous la raconter ensemble, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ça va être une histoire ensemble, mais je vous ai préparé quelque chose. Et je pense que l'histoire ne se terminera pas ce soir. J'ai vu de la lumière. Une saison complète. Non, mais c'est ça. Et toi, t'es dit, c'est les mangas. Moi, je vous ai fait. Manga, même animé, parce que j'en ai un. C'est un animé français, donc c'est même pas manga. Mais. Tu m'en raconteras aussi, tu me rediras, parce que ça fait 3 ans que t'es avec moi, mais tu m'en diras la différence entre les deux dans un instant. Ah, d'accord, y en a un c'est en livre et l'autre non, voilà. Ah, oui, d'accord, ok, voilà, ok, je comprends mieux. Manga c'est en livre. Manga c'est même que livre d'ailleurs. Okay. Je dis toujours les mangas parce que les animés que je regarde c'est souvent des mangas de base. Oui. Ils ont été adaptés en animé. Okay. Mais il y a des animés qui n'ont pas été des mangas. Ça y est, j'ai saisi. C'est... Daniel, est-ce qu'on commence tout de suite l'histoire ou est-ce qu'on attend un peu plus tard? Non. Bon, je sais pas, ou on peut la faire en deux morceaux aussi, hein. Oui. Ouais, mais ouais. Pas maintenant. Mais pas maintenant. D'accord, ok, très bien. Autrement, on pouvait maintenant. Hein. Ouais, mais il veut plus. C'est trop tard. Voici la reprise de Earth, Wind and Fire. C'est Simply Three September sur Indestar. Et dans un instant, les animés avec Teddy. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Bienvenue sur Indestar, là où tout commence, et en cette soirée de vendredi, eh bien, on parle des extraterrestres. Donc là où tout commence, je dirais que la présence extraterrestre... Pardon ? La présence a commencé, oui. Parce que la musique n'a pas commencé. J'ai pas tu nous compris, as perdu. Mais, là, on a deux extraterrestres déjà au micro, alors je vous dis pas le problème. Il y a une présence. Il y a une qui présence. Est ici en studio. C'est une présence qui m'a empêché d'appuyer sur le bouton. Ah, ouais, le fantôme de Jolan. Ah oui, le jeu. Voilà. Ah, je croyais que c'était un Jolan virtuel, donc c'est un fantôme. Oui. Bon, si vous venez d'arriver, on c'est est pas un Jolan soir. Extraterrestre. Vous êtes dans l'émission à la maison sur Indestar, et ce soir, le thème c'est les extraterrestres. Alors, Jolan, malheureusement, qui n'est pas avec nous ce soir parce qu'il a des petits soucis d'angine. Donc c'est dommage, j'avais un rôle pour lui autrement. Et bah, comme ça, téléphone. Mais il aurait pu faire E.T. à 100%. Ouais, bah oui. Il a la tête de l'emploi. Mais on aurait pu l'avoir au téléphone pour le coup. Mais non, il nous a appelé quand même avant. Et en nous disant, ça va être un petit peu compliqué ce soir, les gars. Et on comprend, soigne-toi bien. Jolan, peut-être que tu es à l'écoute. Peut-être que tu fais du vélo. Peut-être que tu fais du vélo. Non, ça m'étonnerait ça, c'est pas du genre. Si, E.T. Il fait du vélo. Non, mais d'accord, oui. Il adore le vélo. Mais il fait pas du vélo, E.T. Il est juste dans le panier en train de se faire traîner. Est-ce que c'est pas le meilleur rôle? Bah, c'est trop bien. C'est comme ça que j'aime faire du vélo. T'es dit. Non, c'est moi aussi, mais le problème, j'ai trouvé personne qui veut pédaler. Ouais, bah non, c'est un petit peu ce qui est compliqué, effectivement. Alors, donc ce soir, le thème, ce sont les présences extraterrestres. Dans un instant, Teddy, tu vas nous parler des extraterrestres au travers les mangas, les animés. Mais on a décidé avec. Enfin, c'est Daniel qui a décidé, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de. Il en rigole déjà, je vous dis pas. Une histoire, en fait, sur les extraterrestres qui va se bâtir tout au long de cette émission. Donc, explique-nous un petit peu déjà le personnage, le synopsis de cette histoire. Vous m'excuserez, je suis obligé de m'éclaircir la voix pour que ça soit mieux compréhensible. Oui. Ouais. Alors, on va dire un petit peu le pitch. Alors, c'est des extraterrestres qui sont partis dans leur vaisseau parce qu'ils ne pouvaient plus vivre sur leur planète. Ok. Donc, je prends le synopsis. La vie est devenue impossible sur la planète Palmita. Palmita, ça vient d'où ça? C'est le gâteau Palmito. Je vais préciser quand même, hein, y a quand même des précisions par moment. Hein. Alors, apporte ce nom parce que quand on la photographie de l'espace, les terres hautes donnent l'impression d'être en forme de palmier. Ah oui, voilà. C'est Dubaï alors. Bah ouais, hein. Palmier, Tahiti, tiens, on était. Tiens, bah voilà, ah, voilà. Oui. Plus on l'a pas fait bambou, exprès, hein. Mais tout voilà. Est lié. Voilà. Alors, à bord de leur vaisseau spatial, vous m'excuserez, c'est un peu triste ce passage-là, donc je vais en faire. À bord de leur vaisseau spatial, l'Ardéniste, les Palmitiens, les habitants de Palmita, survivants de la grande catastrophe, cherchent une planète où ils pourraient poser leur valise. Ça me fait penser au Shadok, ça. Ouais. Cela fait longtemps. Ah non, pas si longtemps que ça, j'ai écrit que deux fois longtemps, excusez-moi. Qu'ils explorent l'univers traversant les galaxies en analysant les planètes avec le cyberoscope. Ah ouais, parce qu'ils savent même pas où ils vont en fait. Ah bah non. Alors, cyberoscope, c'est un truc qui analyse d'un coup les planètes. Hein. C'est pop, ça apparaît sur ton écran. Voilà, ouais. Comme un virus. Voilà, comme nous, on a un écran, mais c'est pas ça qui apparaît dessus. Hein. Non, bah nous, c'est simplement la suite de l'émission. Alors. Tout ceci, évidemment, dans l'espoir, renaît, de trouver la planète idéale pour planter leur tente. Parce qu'ils n'ont qu'une tente, hein. Ils n'ont rien de... Ouais, mais c'est une question. Ah oui, j'ai mis... Oui. Tente deux secondes. Génial. J'ai mis leur tente au singulier, qu'en fait, c'est au pluriel. Tu fais bien de rectifier. Ah bah oui, parce qu'une tente pour plusieurs... Ou alors c'est une grande tente, hein. Ils ne sont pas nombreux, je sais pas. Tente de scout. Plein de quechua, ça fait des petits igloos. Ça. Alors, leur voyage, leur pérégrination les emmène dans diverses galaxies et ils arrivent finalement dans la Voie lactée après avoir traversé Andromède. Mmh. Et là, ils détectent une planète où la vie existe. Mmh. Donc ça, c'est le début du commencement. Voilà. Ouais. Mais seront-ils bien accueillis? Parviendront-ils à s'y adapter? Ah. Et surtout, Trouveront-ils un camping pour y planter leur tente? Oh. Eh oui. C'est, est-ce qu'il n'y aura pas que des locations de mobil-homes et de chalets? Est-ce qu'il y aura des tentes autorisées? Non, bah, ça, non, ils savent pas que sur cette planète-là, en vérité, il y a des mobil-homes. Ah, est-ce que voilà. C'est un camping 3 étoiles ou 4 étoiles? Oh, bah ça, ils s'en foutent pourvu qu'ils plantent leur tente. Ah, hein. D'accord, ok. Après, peut-être qu'ils chercheront le Wi-Fi, voudront peut-être un peu de luxe. Forcément. Les douches, l'électricité. Voilà. Une des stars, la radio. Ah, évidemment, oui, peut-être qu'ils en ont besoin, oui, effectivement. Bah, pour écouter, pour se divertir le soir. Peut-être évidemment. Qu'ils nous entendent d'ailleurs. Ah, bah, Palmiquin. Bonsoir. Bonsoir, Palmiquin, si vous nous écoutez. Ils nous comprennent pas. Ils comprennent pas le terrien. Mais si, ils ont appris le français entre temps. Ah, le français, même pas le terrien. Oui, la langue la plus importante au monde. Évidemment. Évidemment. Donc, la suite de l'histoire, vous la connaîtrez dans un instant, hein, puisqu'on va la développer tout au long de cette petit émission. Petit à petit, oui. Petit à petit, vous avez déjà les personnages et puis le synopsis. Là, on va aller sur les mangas. Alors, les mangas, t'es dit, tu vas nous parler des bons extraterrestres, des mauvais extraterrestres ou un petit peu tout? Alors. Il reprend son ardoise. Ça va dépendre du point de vue. D'accord. Qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais extraterrestre? Ça, c'est très qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais chasseur? Oui. Ouais. Est-ce qu'un extraterrestre qui tue les humains, c'est un bon extraterrestre? Bah non. Pour les extraterrestres, oui. Peut-être. Pour les humains, non. C'est qu'une question de perspective. En fait. Bah ouais, voilà, pas c'est fou. Ça. Alors, je me place en humain. D'accord. Est-ce qu'on parce serait que pas c'est ce que je suis. Enfin, a priori. Je peux pas placer en extraterrestre. La question est de savoir pourquoi il tue les humains. Ouais. Est-ce que c'est par pure cruauté ou est-ce qu'il y a une raison derrière? Et si les humains devenaient une proie? Oui, mais si on devenait de la nourriture pour. Ça serait pour qu'ils se nourrissent en fait. Ouais. Ouais. Oh. Et ben, ça va être le premier animé et manga que je vais parler qui s'appelle Parasite. Ok. Et c'est donc, nous les parasites? Donc il n'y en a qu'un seul. Non, il y en a plusieurs. Trois. Ah si, il y en a plusieurs, alors c'est nous, pardon. D'une certaine manière, oui et non. Comment dire, on est dans un manga, donc forcément ça commence, on est des humains, voilà, il y a des humains, c'est cool, la vie est chouette, et là bizarrement un spore de on ne sait où, donc forcément pas de la planète Terre, arrive, se pose, une petite larve. Quand tu dis un spore Un spore, tu sais ce que c'est un spore? Tu sais, c'est une boule ronde. Oui, d'accord. Non, mais qu'on précise, c'est pas du football qui arrive, quoi. Alors oui, c'est pas un sport qui... Ouais. Bon, on va en parler de football. Elle a un nouveau sport aux Jeux Olympiques. Le sport. C'est vrai, ils sont acceptés aux Jeux Olympiques, les extraterrestres? Bah, le règlement, je sais pas s'ils le stipulent. Faudra leur demander. S'ils sont qualifiés, ils peuvent. S'ils ont le même nombre de membres, oui. Mais bon. Non, c'est d'après. Oui. Donc oui. Trois jambes, c'est trop facile. Il y a une sorte de petite sphère qui atterrit au sol. Voilà. Une petite larve née de cette sphère. Et son but, c'est d'envahir un humain et de lui bouffer la cervelle. Ah, mais c'est comme les vers. Comment on appelle ça? Mangeurs de cerveau. Les vers peut-être. Qui rentrent dans le corps et qui mangent. Oui. Qui grandit, les vers solitaires. Les vers solitaires, oui. Alors, oui, mais eux, ils bouffent pas le cerveau, ils tuent pas la personne, entre guillemets. Ah, les oui, vers solitaires, non. Stade au-dessus, quoi. Oui, ouais. Parce que là, ils bouffent le cerveau et ils prennent le contrôle de ton corps. Ok, il vient. Comment dire? Il remplace ta tête. Ouais. Alors, il ressemble à un humain. Sa tête ressemble à un humain. Par contre, il peut l'ouvrir comme une fleur, mais avec des épines, un peu. Et c'est un peu gore aussi, hein, clairement. Comme une plante carnivore. Il peut se battre avec. Ouais, c'est un peu ça. Mais il fait comment pour ouvrir? Il y a une fermeture éclair? Il y a des boutons? C'est magique. Ah, c'est magique. Ah, bon, d'accord. Ta gueule, c'est magique. J'ai cherché trop compliqué. Hein. Bon, mais voilà. Donc, avec ça, plein d'autres parasites vont arriver dans le monde. La race humaine va pas le deviner tout de suite. Et on va découvrir des meurtres assez horribles. Parce que, ils ont besoin de manger des humains, en fait. Et c'est une race, on va dire, à peu près cannibale, même si techniquement c'est pas cannibale vu qu'il remplace l'humain. C'est assez complexe. Mais bon, donc ils vont manger des humains, et les humains, non, pas d'accord, évidemment. Non, parce que... j'aime pas mourir. Non, mange pas ma sœur, stop. C'est pas cool. J'aime pas avoir un prédateur. L'humain, pour la première fois de son existence, a un prédateur naturel, le parasite. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom, hein, voilà. Mais quelque part, c'est comme un virus. C'est un peu comme un virus. Mais sauf c'est un que peu comme un virus, ouais. Le virus mais te bouffe pas, c'est pas, la différence. Est-ce que ça serait pas un remède naturel que la nature a créé pour détruire l'humanité? Ah, parce pour que l'humanité serait pas le cancer humaine. Ou le parasite de la planète Terre. D'accord, ok. Il y a toute une psychologie derrière ce manga qui rend le truc vachement génial, hein, clairement. Moi j'ai adoré. Ah, détruire des humains, c'est. Quoi? Non. Mais bon. Teddy sort de ce studio. Ouais, il peut pas, il y a Théo qui le coince. Non, mais bon, l'histoire commence comme ça et le... On va suivre l'histoire, on va suivre le récit plutôt de... Comment il s'appelle? Le héros, j'ai bouffé son prénom. Ouais, bah. C'est pas grave, d'un jeune lycéen japonais. Pas les cerveaux, évidemment, au moins. Toujours un jeune lycéen japonais. Oui, il y a qu'au lycéen que ça arrive. Bien sûr. Des trucs de ouf comme ça. C'est soit au Japon, soit en Amérique. Mais ça, c'est le synopsis de tous les animés, j'ai l'impression. Mais voilà. Totalement. Ah, il faut qu'ils sauvent le monde ou quoi que ce soit. Voilà. Et tout ça, j'ai l'impression qu'ils en ont écrit un et après ils repiquent tous le même. C'est ça. Exact. C'est le Besson. Non, quoi. Sauf que lui, un parasite va venir tenter de le parasiter, entre guillemets. Sauf qu'il va pas réussir parce qu'il va faire un garrot à son bras. Il s'est implanté dans sa main, ouais. Le petit parasite, et il a fait un garrot pour éviter qu'il remonte plus loin pour aller jusqu'au cerveau. Et du coup, bah, le parasite va parasiter juste sa main. Donc c'est bien, il a juste une main de parasité, c'est bien. Ouais, après c'est cool. Pas très pratique, ouais. D'avoir... Mais bon. Non, bah, en fait si, ça va lui rendre plutôt pratique, parce qu'il va pouvoir se défendre contre les autres parasites qui vont trouver, ouais, que c'est une aberration, entre guillemets. Parce qu'il est ni humain, ni parasite. Donc ça fait toute la série. Ça fait tout le truc, ouais. Ah, ok. En sachant qu'après, il va chercher soit à détruire les parasites, parce qu'il se dit, ouais, j'ai une puissance un peu, parce que j'ai un parasite qui est avec moi, voilà. Ça lui permet de faire pas mal de choses, ce parasite. Hein. Il peut se transformer en tentacule et couper des trucs de loin, c'est bien. Ouais, c'est un bon bûcheron. Non, mais en fait, moi, ça me fait penser à... Tu sais, tu parlais de Cybertruck, de Cyberpunk. Cyberpunk, par... ouais, Cybertruck, ouais. C'est... Non, ouais. Le Cybertracteur 3000. Tout de suite, les engins. Mais mais Cyberpunk, en fait, d'avoir des ajouts... Des améliorations corporelles. Des améliorations. Ouais, en fait, c'est un peu ça, tu vois. C'est même. Un peu dans le même type, c'est des surhumains, clairement. Ouais. L'humanité ne fait pas le poids face aux parasites. Par contre, ils sont en sous-nombre, les parasites. Ils ont ça, et ils peuvent être chassés par les humains. Et les humains, s'ils s'y mettent, ils peuvent les avoir, théoriquement. Mmh. Mais bon, les humains, on sait tous comment ça fonctionne. Voilà. Mais ne spoil pas le reste de la série non plus. Mais j'ai pas spoilé. D'accord. On sait pas comment ça se termine. Les humains ou les parasites ? Bonne question. Ou les deux ? Ou les deux. Combien sur 20 pour cette pour ce animé ? Combien sur 20 ? Oh, 19. Ah ouais. Wow. Ah ouais. Non, on t'a demandé le nombre d'épisodes. Hein. Ah bah 19. Non, je sais pas combien des. Je sais plus combien d'épisodes. Mais franchement, ouais, c'est un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu ou regardé, enfin animé. Ma vie, c'est parasite. La vie voilà. Se résume à. Regardez, à j'ai un parasite sur la main. Ouais. C'est moi en fait qui me suis fait le garrot. Bah, j'avoue que j'aime bien les animés où l'humanité elle est un peu dans la merde. Mais finalement, il conserve tout le temps son garrot. Non, bah oui. Non, parce que au bout d'un moment, le parasite va prendre sa main et une fois qu'il a mangé sa main, c'est bon, il peut plus rien faire. Bah, il peut plus remonter, il peut plus ça, rien faire. Ça va contre. Je te donne ça, tu prends ça. Ouais. Ah ouais. Mais il aurait bien aimé le parasite. Hein. Mais bon, il va apprendre de l'humain. En fait, ils vont pouvoir cohabiter ensemble. Ils vont collaborer, voilà. C'est des frères siamois. Ils vont collaborer parce que évidemment, les parasites veulent les tuer, mais les humains, s'ils se rendent compte qu'il y a un parasite, ils vont vouloir le tuer aussi. Donc, faut qu'ils cachent son identité en même temps. Ça me rappelle une vieille chanson, ça. Mon pote le parasite. Je connais pas. Je peux pas te suivre. Il y avait une chanson, mon pote le. C'était pas le parasite. Ça devait être en 1928, ça. Edith Piaf l'a chanté. Peu après les débuts de la radio. Voilà. Mon pote le parasite, d'accord. Mon pote le parasite. Un titre qui fait rêver. Ouais. Et dans un instant, nous allons écouter mon vers solitaire. Le parasite. Allez, vas-y, chante mon vers. Super. Parasite. Deuxième manga. On va toujours partir sur c'est une dystopie quand tout se passe mal pour l'humanité, non? Bon, c'est partir d'un élément présent et tout va mal. Et comment dire, l'étendre un maximum dans le futur. Ah non, c'est pas ça. Dommage. Non, du coup, bah là, non, c'est toujours pareil. Ça doit c'est être une catastrophe. Dans la merde. Une catastrophe, alors peut-être. Une catastrophe. Ouais, catastrophe. Parce qu'une dystopie, par exemple, c'est admettons, on prend une technologie d'aujourd'hui, un téléphone ou un robot, et ça va s'aggraver. Genre Terminator. Ouais, voilà. Voilà, ça c'est une dystopie. C'est prendre quelque chose du présent et dans le futur, développer à fond dans le futur, c'est ça. Ouais. Ok. Et ben du coup, c'est pas une dystopie. D'accord. Non, c'est Neon Genesis Evangelion. Donc l'humanité tranquille, easy. Ils sont toujours tranquilles au début. Ouais, bah toujours. Ouais. Toujours. Et après, ça va toujours mal parce qu'il faut un synopsis quand même. Oui, pour c'est le... Bah sinon, c'est les Sims si on se fait un peu chier. Hein. C'est clair. Quel manga de merde. Non, il y a des mangas comme ça. Dans la salle de bain. Il y a des mangas tranquilles qui sont sympas quand même. Mais bon, là, c'est pas le cas. L'humanité va avoir un danger qui va arriver. C'est ce qu'on appelle les anges. Les anges, c'est des créatures un peu extraterrestres. De la télé-réalité. Ah, si ça serait que ça. Ah, un bon dictionnaire, ça passe. Ça peut faire bien mal à l'humanité quand ça même. Ça peut faire mal à l'humanité, effectivement. Mais non, là, c'est des anges, des grandes créatures type Kaiju, si vous connaissez un peu le folklore japonais. Donc des gros monstres, clairement. Des gros monstres qui vont arriver. Et toujours dans le folklore japonais, des gros robots pour affronter ces gros monstres. D'accord. Alors, il y a les méchants. Il y a les méchants, les anges, et l'humanité a décidé de répliquer avec des gros robot contrôlé par un pilote okay. qui doit avoir 14 ans. Parce que pourquoi ? On ne sait pas, parce qu'il est au lycée évidemment. Mais donc, c'est normal, à 14 ans, t'as ton... c'est comme en France, tu vois, tu peux. T'as ta majorité de pilotage de robots ? Bah nous, c'est, ouais. en, nous, c'est il un scooter. Il avait un A au début et. c'est des robots, voilà, ouais, chacun son truc. Ça. Non, et il y a toute une histoire là-dessus évidemment, pourquoi c'est toujours que des jeunes de 14 ans à peu près. Voilà, donc on va suivre le héros principal qui est le fils du grand patron de l'organisation qui combat les anges. Okay. Mais qui en avait rien à foutre de son fils, hein. Il l'avait carrément abandonné. Hein. ouais. Ah ouais, non, mais il n'avait rien à foutre. Je t'abandonne, par contre, tu contrôles les robots, stop. Non, mais c'est exactement ça. C'est tragique, c'est assez sombre hein, comme histoire. En fait, il s'est fait abandonner par son père quasiment au tout début. Mm-hmm. Et sa mère est morte à la fin. Ouais. Et son père le rappelle juste au moment précis où il y a un ange, juste pour piloter un robot en fait. Ah, oh, d'accord. Alors, il sait qu'il a un père, hein, le gosse, hein, mais. Ouais. Il a jamais pris contact, il a jamais eu de relation et paternelle. Accepte, genre... Bah ouais, parce que de toute façon, sans ça, l'humanité autre... c'est fini quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Ah. Il a rien d'autre, il avait une petite. Ah, moi je croyais que c'est parce qu'il aimait bien les robots qu'il acceptait. Non, mais... non, même non pas. Il va détester même piloter un robot parce que c'est pas vraiment des robots. C'est des créatures géantes emprisonnées dans une armure. Et ils doivent rentrer en résonance entre guillemets leurs deux cerveaux pour fonctionner en fait. Ah ouais. Et plus leur lien est fort, plus ils peuvent combattre efficacement. Mmh. Sauf que ça laisse des traumatismes un peu sur un gosse de 14 ans. Ouais. On joue pas avec les cerveaux des jeunes. Non comme mais ça. Déjà il avait le traumatisme de l'abandon et tiens non tu vas contre des robots. Et il doit tuer des quoi. Ça forge la jeunesse. Et qui a pensé aux créatures qui étaient enfermées dans les armures ? Personne. On peut y penser. Bah justement bah en fait lui doit y penser, ça doit faire partie de. C'était un dilemme, prototype mais... comment dire d'humain géant pour combattre les anges mais ça a pas marché. Donc ils se sont dit on va garder l'enveloppe charnelle et on va mettre une armure et tout ça et on va la faire contrôler par un jeune pilote. Ça marche. Un jeune pilote innocent oui. qui connaît pas. Voilà. Donc il y a quelques pilotes parce que c'est dur au final d'être pilote parce qu'il faut correspondre à certains critères, faut être doué pour piloter évidemment. Et donc bah lui en fera partie et il va combattre 13 ans je crois. 13 et ouais bon. Et ça marche bien. Ouais, mais il va souffrir quoi. Il va souffrir et l'humanité va souffrir aussi. Il y a combien de saisons ? Combien de saisons ? Qu'une seule. Il y a le printemps, l'été. Le... Oui, donc il peut mourir. Ah non, pardon. Ah bah potentiellement il peut mourir, oui, ouais. c'est pas interdit. Mieux ou moins bien que la première ? Que ? Que celle dont tu as parlé juste avant ? Ah, je dirais un peu moins. Ouais. Parce que c'était les tout débuts des mangas de ce type-là, de mecha comme on appelle ça, parce que les robots géants, les mangas de robots géants, c'est des mechas. Mm-hmm. Et ben c'est les tout débuts. Donc il y a des peaufinages, il y a des trucs à peaufiner, mais ça a lancé le truc quand même. Vas-y. Ah si, mais faut peaufiner. Tout ce qui est ancien, faut peaufiner. Non, non mais j'étais surpris d'apprendre qu'il fallait peaufiner le peaufinage, c'est pour ça. Ah oui, ouais, je peaufiner le peaufinage. Ah t'es bien peaufiné après. Ouais. Ouais, c'est nickel. Là. On va partir sur un classique. Ouais. D'ailleurs, vous allez peut-être reconnaître avec ce son. Non, parce que si je lance pas. Voilà. Attention. Wow, bravo, bravo. Point pour. C'est quoi Dragon Laura. Ball ? Oui. Et toi, tu peux pas connaître. Bah non. Effectivement. Bah oui, Dragon Ball Z. Ouais. Bah pourtant, c'était mon époque, hein, Dragon Ball Z en vrai. Mais. Un extraterrestre qui arrive sur Terre ? Bah Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est un extraterrestre ? Alors, Dragon Ball Z, c'est le nom du manga. Oui. Ça a rien à voir avec un personnage. C'est pas un personnage. D'accord. Le personnage principal. Je le sache, 35 ans. Le personnage principal, il s'appelle Sangoku. J'ai déjà entendu parler de ce mec-là. Voilà. Et il y a aussi Sangohan. Son fils. J'ai pas entendu. Ça. Et son père aussi. Enfin, son père adoptif aussi. Bon, ça, peu importe. Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai, temporalité, c'est tout. Il y a un lien adoptif entre eux, hein, si j'ai bien compris. Non, c'est pas ça. C'est que Sangoku, quand il est arrivé sur Terre, en fait, il est arrivé dans une petite capsule et il est arrivé bébé. Et du coup, il a été adopté par un humain qui s'appelle Sangohan. Ah, c'est comme Superman. Oui. Ouais. Mais en beaucoup plus balèze. Non. Alors, il y a eu des fanfictions de combats contre Superman et Sangoku. J'ai jamais vu Superman gagner. Hein. Bah attends, ouais, Superman, il soulève des canons. Non, mais c'est un gringalet, Superman, aussi. À côté. Oui. Sangohan, Sangoku, il détruit des planètes. Qu'est-ce que tu... Ah, bah, évidemment. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça ? Il défonce. Il n'y a pas de combat. Ouais, bon. Par contre, les combats, ils durent 10 000 ans. Hein. Oui, t'as le temps de te prendre un café, d'aller dehors. T'as le temps de regarder Superman, c'est rapide. Pas de problème. Généralement, s'il commence à l'épisode 10, il finit à l'épisode 22 minimum. Alors, mais c'est même pas ça, c'est que. Comment dire ? Dans Dragon Ball Z, il y a l'un des combats les plus grands de l'histoire des mangas qui a duré sur je sais pas combien d'épisodes, qui normalement dans l'histoire dure 5 minutes. Genre la Terre va exploser au bout de 5 minutes. Et le combat est dur indéfiniment, enfin sur une dizaine d'épisodes. C'est le combat contre Freezer. Ah oui, Freezer, le frigo, oui. Non, Freezer, le pas frigo. Le Freezer, l'extraterrestre que... aussi. Un extraterrestre, un autre, mais lui qui veut dominer le monde. Non, parce que Freezer, tu sais que dans l'espace, il fait froid, c'est pour ça qu'il s'appelle Freezer. Okay. Exact. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, mais, c'est... non, mais c'était ma théorie, hein. C'est pour ça que il a un frère qui s'appelle Couleur. Ok. Ouais, non, mais j'aurai pas de commentaire, surtout. On s'en fout. Enfin bref, du coup, Sangoku arrive sur Terre, il a fait son petit péripétie, il apprend les arts martiaux, il va combattre dans des tournois. Et il va défendre la Terre contre plein de menaces X ou Y, parce que sauver la Terre, c'est toujours la mode. Même oui, bah à un moment donné, il faut bien sauver sa planète. Ouais. Exactement, c'est sauver sa planète, bah, ils sont forts. Ouais. Et il y arrive à chaque fois. Il y arrive à chaque fois, des fois il meurt, des fois non. Mais quand il meurt, il ressuscite. Oui, non mais voilà, il y a un truc qui m'échappe. Parce que Dragon Ball, ça tire son nom. Dragon Ball, c'est, en fait, c'est des boules de dragon. Clairement, okay, traduction française de merde si au début. Les boules de dragon. Ça fait ça, ouais. C'est cette boule de cristal qui invoque un grand dragon qui s'appelle Shenron et qui permet d'exaucer un vœu. Donc souvent ils vont l'utiliser pour soit ressusciter Krilin, bonne blague, parce qu'il meurt tout le temps. Non, c'est méchant. Ah, c'est un des personnages. Ouais, c'est un personnage merdique. Okay. C'est le plus puissant de la Terre. C'est l'humain le plus puissant. Mais il meurt tout le temps. Bah oui, parce que c'est une merde à l'échelle. Mais tu peux le ressusciter. Oh, ouais, c'est comme dans un jeu vidéo quoi. Ouais, tu ressuscites Krilin, c'est la base. Ok. C'est trop méchant pour lui. Mais il y a tellement de mèmes d'humour sur ça que Krilin est mort tout de suite. Ah non, mais je vois que t'es mort derrière, mais. Bah ouais. Sangoku aussi va mourir à un moment donné, mais c'est ressuscité. Enfin voilà, c'est ses fils qui vont c'est prendre pas grave le relais. De mourir, oui, c'est pas grave. Ah bah non, dans Dragon Ball, mourir, non, mais c'est lui, pas à la fin. On le ressuscite pas, Sangoku alors. De quoi ? Sangoku, il est pas ressuscité, il est pas comme. Ah si, mais quand si. Même. Ah. Bah si, c'est le héros de base. Forcément, on va le ressusciter. Donc voilà. Donc Sangoku, il va affronter des ennemis de plus en plus puissants. De plus en plus, je contrôle l'univers, je contrôle ci, je contrôle ça, je contrôle la galaxie, je contrôle, voilà. Et bon, il va augmenter de fur et à mesure, et ce qui est bien dans Dragon Ball Z, c'est qu'il c'est un Saiyan, donc il vient de la planète des Saiyans, je sais plus son nom d'ailleurs, ou planète des Saiyans, je crois, c'est bien ça. Il peut, comment dire, se modifier son apparence en changeant juste de coupe de cheveux, clairement, c'est souvent ça. Attends, la coupe de cheveux fait tout. Non, ouais, ça, la coupe de cheveux fait le ça. Ça marche aussi clairement. Chez nous, hein, des fois, tu changes la coupe de cheveux, tu n'as pas plus de puissance. Par contre, tu modifies l'apparence, mais c'est tout. Alors que Sangoku, il devient un Super Saiyan, après Super Saiyan 2, après Super Saiyan 3, après Super Saiyan 4, après Super Saiyan God, après Super Saiyan Dieu, Super Saiyan je ne sais plus. Super Saiyan Teddy. J'en ai passé, ouais. Ouais. Il y en a plein. Et il se transforme, et du coup, le manga continue comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc il continue, il se termine pas. Parce que. Il y a Dragon Ball Super, là, qui est sorti récemment, qui reprend encore. Ils ont fait venir Freezer d'ailleurs, ils l'ont ressuscité. Il meurt aussi. Ah, lui, on a un épisode par contre cette fois-ci. Ah, il a pris trop cher. Mais ouais, ça continue encore. C'est pas. C'est un peu un plagiat de les premières saisons, parce qu'au final, ça tourne un peu en rond, hein, clairement. Ça a été épuisé, Dragon Ball, pour moi c'est fini, mais bon, c'est quand même sympa de toujours retrouver ses héros. Ouais, c'est fini quand même. C'est la nostalgie, tu vois. Ball Z. Parce qu'il y a eu Dragon Ball et après Dragon Ball Z, c'est ça. Et après Dragon Ball GT, mais on passe. C'est le truc qu'il fallait pas créer, tu vois. Ouais, c'est le truc de trop, quoi. Ouais, la licence de trop. T'as Dragon Ball Super. Après le GT ? Oui, là c'est sorti très récemment, Super. C'est, oui, donc c'est pas fini en fait. Dragon Ball, c'est quand même ça existe. Ils ont décidé de reprendre là récemment au final. Mais moi, c'est vrai qu'il y avait de hype à mon époque quand j'étais petit de Dragon Ball Z. Tout le monde avait les cartes Dragon Ball Z, regardait Dragon Ball Z dans le club Dorothée et compagnie. J'ai la veste. Sauf moi. J'ai une veste, ça. Une veste, ok. On va revenir un peu sur un truc un peu plus sympa, un peu plus d'actualité, le foot. Ah oui, c'est vrai. Alors que c'est le foot et les aliens, comment on peut mélanger ça? Il paraît qu'on est en 8ème de finale, en fait, c'est vrai qu'on l'a pas dit en début d'émission, mais parce que personne n'a suivi, j'imagine. Voilà, parce qu'il n'y a pas de fans de foot. Il n'y a personne qui est footeux dans l'équipe, mais on est en 8ème de finale, donc ouais, bravo la France. Alors, le foot. Alors, pour le foot, j'ai une musique. J'ai une musique. Oui, je connais. Non? Peut-être. Mais non, non, ça m'étonnerait. C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. J'adore. Non, moi je pensais, tu sais, celui qui court 36 000 ans sur le terrain. Ah, Olivier Tom. Olivier Tom. Oui, mais il n'y a pas d'extraterrestre. Il n'y a pas d'extraterrestre, du coup. Non, c'est pas faux, c'est ça qui manque. C'est pour ça que j'ai pas compris le lien avec le foot. Non, et ben non, là c'est Inazuma Eleven, tout simplement. Alors même Inazuma Eleven, Go Galaxy. Parce que dans Inazuma Eleven de base, ils font le tournoi genre du Japon. C'est une équipe, les Raymon, ils vont affronter des ennemis, enfin des adversaires plutôt, des collégiens. C'est des collégiens. C'est pas des siens, c'est pas. Mais franchement, les Japonais, à force de regarder des animés où c'est tout le temps des jeunes, les héros principaux, ils se disent, mais ma vie, c'est nul. Je vais à l'école. Bah en fait, je ne sauve pas le monde. Une fois que t'as fini le lycée, ta vie, c'est de la merde. Ah, c'est ça, c'est terminé. Après, t'es comptable dans une société, c'est fini ta vie. Sauver le monde. Bah non. C'est que quand t'es collégien ou lycéen que tu peux sauver le monde. Alors qu'en France, on peut rêver, tu vois, même plus tard. Il y a des héros genre Louis la Brocante. Il n'y a pas de manga en France. c'est pas un rêve. Je croyais que t'allais type de héros, mais. Je croyais que t'allais dire Derrick. Bon, d'accord, c'est pas un héros français, allemand, mais. Non. Mais non, Inazuma Eleven. Donc, ils vont affronter des équipes du Japon. Voilà, ils vont gagner le Football Frontier, donc le tournoi du Japon. Après, ils vont participer au tournoi encore plus grand, donc le Football Frontier International. Donc là, c'est mondial. Ouais, ah, c'est cool. Monde, voilà. Donc, ouais, ils sont contents, ils ont été les plus forts. Basta. 10 ans plus tard, une nouvelle équipe qui apparaît, les Raymond. Ils sont devenus de la merde, malgré le succès qu'a eu l'équipe à l'époque. C'est une équipe de merde. Ils vont refaire le même parcours, hein, gagner le tournoi du Japon, le tournoi du monde. Après, ça va être un peu bizarre. Ils vont partir voyager dans le temps. Ils vont partir en arrière, ils vont jouer contre des dinos, ils vont jouer contre des trucs futuristes pour sauver une chronologie. Et la passe au diplôme, le diplodocus. oui, c'est un but de Stego. Le diplodocus qui prend tout le terrain déjà. Bah, il a juste à faire une petite tape avec sa tête. Non, il jouait avec Olive et Tom, lui, il avait un grand terrain. Ah, ils vont partir dans la chronologie du temps pour chercher les meilleurs joueurs de chaque époque pour. Comment dire ? Sauver le foot ou le monde parce non que c'est lié attends, apparemment attends, à le meilleur joueur c'est au même stade. Je suis obligé de t'interrompre. C'est exactement ça. Même stade. Comment tu fais si le meilleur joueur de l'époque des dinosaures c'est un diplodocus et qu'il connaissait pas le foot mais il non. a un potentiel caché. Non mais t'imagines au moment de la présentation des équipes mais tu te fais comment pour être vu à côté de lui. Alors il n'y a pas de dinosaures qui vont jouer avec eux mais il y a un Cro-Magnon. Cro-Magnon. Un Néandertal, oui. Peut-être. Un Homo erectus, voilà, on va dire ça. Voilà. Oui. Voilà, y a un truc dans les Homo. Pas sapiens. Tu vois. Ouais. Comment un Pierre, quoi. Un Pierre, ouais. On s'appelle tous Pierre. Voilà. Du film Ré. Ils vont chercher dans plein de périodes de l'humanité. Alors, toujours au Japon, souvent. Voilà. Donc, période Sangoku, par exemple, ils vont chercher. J'ai bouffé son prénom. Je bouffe trop de prénoms, ça m'énerve. Mais arrête de manger. Mais ouais, j'ai faim. C'est tout à l'heure où il parlait de bouffer le cerveau. Non, moi je mange que les prénoms. Ça va, on a de la chance. Bref, il voyage dans le temps. Ouais, voilà, bah, c'est sympa. Le prénom, si les bouffe après. Hein. Mais qu'est-ce qui est plus fort que voyager dans le temps et affronter toutes les équipes à toute période? Bah, le foot. Alors oui, c'est toujours, le foot, effectivement. Mais qu'est-ce qui permet d'être le plus fort encore que. La plus forte de l'histoire de la Terre, enfin, parce que là ils ont défait toutes les équipes dans le temps, ils ont défait le monde. Ah les extraterrestres. Les extraterrestres. Bah oui. Qu'est-ce qui est plus grand? La galaxie. Oui. On va affronter la galaxie, voilà. Donc ouais. C'est quoi? C'est un concours interplanète? Ouais c'est ça. Hein. Ouais. Un peu comme Galactic Football si vous connaissez ça. Non. C'est aussi un tournoi entre planètes de foot. Ok. Bah non, pourquoi pas quand on a fait le tour des pays bah ouais voilà autant faire le tour du autant de l'univers de l'univers parce que c'est normal le foot c'est voilà c'est la base par contre l'humanité. C'est vrai que quand tu joues pas à domicile par exemple tu joues au foot sur la lune t'as pas tu vois les repères sont et ben, ouais, alors vois, je te dis pas les problèmes d'éclairage hein. Il y a des caractéristiques de stade. Ah oui. Ouais. Évidemment. Ouais. Quand tu joues sur la Lune, il y a peut-être moins de gravité, tu vois. Bah, oui. C'est ça. Je sais pas s'il joue sur la Lune. je crois pas, je m'en rappelle plus. Mais non, enfin, il y a des petites caractéristiques. Par comme contre, ça, ouais, si tu joues sur un vaisseau spatial, bah, si tu perds la balle, bah, la balle elle va dans le trou noir. Le trou noir, c'est le but, tu dois. Par contre, tu récupères pas ton ballon. Mais où est le gardien s'il est. Bah, dans le trou noir. Dans le trou noir. Il attend sagement. Il y avait qu'un seul gardien, c'est voilà. Voilà, il a été bouffé. Il est bien ce manga ou pas? Franchement, j'adore. Mais il est plus adapté pour les enfants quand même. Ah oui. Parce que c'est pas. Tu le regardes avec bébé? Comparé aux deux que j'ai parlé au début, Parasite et Neo Genesis Evangelion, tu vois, c'est le jour à la nuit. Hein. C'est pas la même ambiance. Ouais. Okay. Là, c'est tranquille, pépère. Ils vont y arriver, ils vont gagner à chaque fois à tous les coups, t'es sûr. Voilà. Ok. Bon, ça c'était facile, tranquille. Maintenant, on va partir sur un dessin animé qui n'est pas un manga. Mais qui est français? Ah! Waouh! Français de la France aussi! Ah, mais qu'est-ce donc, mon cher? Qu'est-ce donc? Je sais pas. Dora l'exploratrice. Non. Ah, les zinzins de l'espace! Les zinzins de l'espace! Idée de Daniel, s'il vous plaît! Ok. J'y ai pensé aussi, j'ai failli le mettre. On a failli avoir un double zinzin. Ouais. Doublé. Et bah, de toute façon, on n'a pas failli, on les a. Hein. Oui. C'est vrai, bah, les doubles zinzins. Leur nom, on s'en rappelle jamais. Ouais, façon. Non, c'est. Il y a le orange, le vert, le violet. Par rapport aux couleurs, on se fie à ça. Et quand t'es jeune, on regardait ça. Enfin, hein, souvent, parce que c'est plus trop d'actualité. Quand même. Mais même c'est moi, comme pas jeune, je regardais aussi parce que j'adorais. Hein. C'est pas comme les Teletubbies. Non, ah non. Ah non, il faut. Non, c'est pas le même délire. Les Teletubbies, c'est pour les bébés. Ils ont des différentes couleurs. Oui, alors oui, bien sûr, ils ont des. C'est le seul point commun. Comme les Power Rangers. Ils ont des délires un peu comme Oggy et les cafards, parce que c'est les mêmes créateurs de toute façon, ou un peu comme les Looney Tunes aussi, c'est un peu. Enfin. Ah, c'est pas le même univers, mais tu vois, ils font des délires oui, un peu comme ça. Mais c'est la même période, quoi, dans le temps. Un peu... C'est ça. Même si Looney Tunes c'est un peu plus vieux, mais. Oui, c'est la même période Oggy et les cafards. Ils font des trucs, tu vois, c'est les Looney Tunes, mais pas Oggy et les cafards. C'est un peu cartoon au final. Voilà. Ouais. Si tu les écrases avec une caisse, ils mourront pas, tu vois. Oui. Et est-ce qu'ils continuent à. À vivre ? Ouais. Non, non, mais est-ce qu'ils continuent à courir dans le vide avant de se rendre compte que c'est le vide et qu'ils tombent ? Bien sûr, bah c'est sûr que s'ils courent dans le vide. Ça fait partie des classiques quand même. Bah oui, ça fait partie, voilà. Les bruitages et tout ça. Alors j'ai essayé. Ils ont quand même une ligne directrice. J'ai perdu une jambe. Et ben on remercie la jambe de Théo de revenir incessamment sous peu. Ah mais c'est ça parce que en fait j'ai continué dans l'univers cartoon, c'est que bah comme tu disais tout à l'heure, on peut ressusciter. T'es fait rouler sur un train. Paf, tac, la jambe est réapparue comme c'est ça vrai. Par un coup de baguette magique. Mimi Mati était passé par là. Il y a quand même une ligne conductrice pour cet animé français. Ce dessin animé, ce dessin animé, ouais, c'est bien. Ce un scénario, animé. Cool. Oui, grosso modo, ils sont arrivés sur Terre, ils se sont crashés en fait en vaisseau spatial sur Terre et ils essaient de repartir. Ouais. De base. Je sais même ils pas veulent s'ils repartir y arrivent sur quelle planète. Je sais pas s'ils y arrivent, mais c'est vrai qu'ils essayent en fait de repartir. Ouais. D'accord. Ils essayent souvent de repartir et des fois c'est leur vie sur Terre tranquille. Des fois ils repartent, ils échouent tout le temps. Hein, oui, puis si je me rappelle bien, t'en as toujours un qui a pas envie de partir parce qu'il trouve toujours quelque chose qui lui plaît sur Terre. Il y a toujours quelque chose pour pas qu'il parte au final. Oh, ouais. C'est un peu comme Tom et Jerry. Si Tom bouffe Jerry, c'est fini. Donc là, ils repartent jamais au final. Ouais. Mais il y en a un qui passe tout le temps l'aspirateur. Il y en a un qui adore l'aspirateur, le petit verre. Ouais. Le petit verre. Tu parlais de Tom et Jerry à l'instant, ça me fait penser qu'il y a un film Tom et Jerry qui va sortir. En live action. Oh putain, c'est pas Disney qui a racheté encore le projet. Je sais pas, mais si c'est possible que ça soit Disney. Mais tu sais, un film avec les personnages donc en dessin animé et des gens normaux. Et des gens normaux, ouais. Ça fait dégueulasse ce genre de truc. Bah, faut avoir, hein, mais. Non. Bah, j'en ai vu un récemment d'ailleurs, un film comme ça. Ouais. Mais en beaucoup mieux, hein. En vrai, vraiment réaliste. Moi, je me pose surtout la question de quand t'es acteur, tu vois, quand tu joues avec ce genre de. Ça doit être compliqué. C'est comme il y a beaucoup de films récents qui utilisent la 3D en fait et du coup tu joues avec un grand fond vert partout et tu dois vraiment t'imaginer tout le décor de catastrophe ou de forêt ou je sais trop quoi mais acteur studio mais franchement c'est un autre level d'acteur en fait je pense que c'est même d'autres tout se passe compliqué. Dans sa tête mais oui c'est ça faut imaginer il est taré ce que ça va donner non oui il faut avoir une vision assez globale du truc du projet faut être en accord avec son réalisateur et tout ça c'est ça c'est une galère mais... et revenons sur tes petits personnages là du coup j'ai fini en fait non mais tu sais pas s'ils arrivent à revenir sur Terre à la fin quoi non sur parce leur que planète, c'est parce même pas le but nous en fait quand tu regardes ça en fait tu poses ton cerveau en fait tu c'est comme un cartoon au final tu regardes ça tu t'aimes ce qui va se passer est-ce qu'il y a une moralité quand même parce que est-ce que par exemple tu dis ils ont toujours quelque chose à faire et qui les maintient sur Terre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une moralité derrière en se disant que oui, la Terre c'est quand même bien, je sais pas. Non, je pense que c'est juste. Passe des... mon tour. Non, je pense que c'est juste des raisons pour les faire rester. Enfin, d'un point de vue scénaristique mais en ça, fait. Mais est-ce qu'il y a une moralité derrière Non, ça fait trop longtemps que tu vois quand t'es sur un scénario comme moi, ça. Moi j'ai pas trouvé de moralité derrière. Hein. Je pense pas. J'ai pas souvenir. C'est pas la base du studio Gaumont. Non, mais d'accord. Il n'y a pas de moralité derrière. C'est juste un cartoon pour faire plaisir, pour regarder. Du divertissement. Et l'avantage sur ce genre de scénario, c'est que tu dis. Si la chaîne dit bah ok on veut une saison supplémentaire bon bah tu trouves des nouvelles idées s'ils disent bon on arrête là tu leur trouves un moyen d'aller de retourner sur leur planète oui voilà c'est pas faux fait, et puis même facile, tu peux dire oh tiens ils reviennent au bord de la Terre et oh tiens ils se recrachent même si 2-3 ans après la chaîne veut refaire une saison il n'y a et pas de problème tu peux revenir bien sûr c'est facile mais bon ils le font pas normalement non ils restent ils sont sur sages. Terre on écoute de la musique avant de parler d'une série la série OVNI on va écouter Bootleggers United non bah tant pis on écoute Epsilon ah bah c'est comme vous voulez hein. Non c'est mais il y a paradis. Un extraterrestre qui est passé par là c'est plus le paradis non c'est une des stars ce soir mais c'est tout aussi bien on est là jusqu'à 23h dans cette émission à la maison je vous parle de la série OVNI que j'ai vue il y a pas longtemps dans un instant dès 21h c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et jusqu'à minimum 23h, et à mon avis encore ce soir, on va potentiellement dépasser. Mais c'est la fin de semaine, c'est le week-end, on en profite, on est bien. Vous pouvez être d'ailleurs par exemple sur la terrasse, là, avec votre smartphone ou votre enceinte connectée pour écouter Indestar. Et puis même, peut-être que vous le faites en podcast, pas en direct ce soir à 21h un vendredi soir, mais peut-être un dimanche matin à 10h38. Ça m'étonnerait. Mais, oui. Pourquoi ça m'étonnerait? Et là, t'imagines, il y a quelqu'un qui écoute vraiment à dimanche à 10h38. 10h38, dimanche. Comment il sait pourquoi je suis un extraterrestre. Pourquoi 10h38? Il se passe quelque chose de spécial? Non, c'était totalement au hasard. J'avoue. Ah. Il n'y a pas d'explication à tout, Daniel. Ah oui, mais je suis trop terre à terre, moi. Je suis pas extraterrestre, je suis trop terre à terre. C'est le thème de la soirée. On parle de phénomènes paranormaux. On peut pas tout expliquer. Pas paranormaux, mais on peut pas tout expliquer. On n'a pas encore toutes les réponses. On parle des phénomènes extraterrestres. Et on avait commencé une petite histoire. Rappelle-nous le nom de la planète. Palmita. Palmita, voilà. Donc les habitants de la planète Palmita sont sur un vaisseau, cherchent une planète qui s'appelle Dardenist. Le vaisseau. Le vaisseau, ok. Ils cherchent une planète où se poser, parce que bah, sur leur, la leur, ils peuvent plus y rester. Bah oui. Donc, là, ils ont vu une Terre, a priori, qui... qui ressemble à la Terre, un jeu... Ah, qui ressemble à la Terre. Ça, je spoil un petit peu, mais d'accord. Je crains qu'elle ressemble un peu à la Terre, en fait. Bon, là, on va se focaliser sur les personnages. Oui, l'apparence des personnages, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à voir... Tout le monde un petit peu comme nous, un peu humain, mais... Avec non. Des bras, des membres, ouais. Voilà. Et une tête. Pour moi, enfin, c'est vrai qu'on a une vision d'un extraterrestre quand même assez précise. On les voit verts, on les voit un peu à l'IT, avec... ça, c'était à l'époque, hein, le vert. Tu les vois plus comme ça, Matt? Personne tu les vois plus voit des extraterrestres verts, maintenant. Bon, bleu. Non, tu les vois comment, les extraterrestres? Ils peuvent être gris aussi. En fait, tout le monde peut avoir une définition. Ouais, je pense que tout le monde peut avoir une définition d'extraterrestre. Mais on les voit pas humains. Alors si, dans le... Tu vois plus pieuvre. Enfin, genre, pieuvre. Ouais, forme pieuvre. Tu vois. Mais en fait, moi, j'irai plus loin. Il y a des théories qui disent, enfin, je sais plus d'où, mais en tout cas, j'ai cette vision d'extraterrestre. Qu'on les voit plus. En fait, c'est pas quelque chose forcément de visible à l'œil nu, et c'est pas quelque chose de mouvant comme nous. On peut pas voir. C'est pas quelque chose qui va nous parler. Enfin, ça peut être vraiment comme des cellules, en fait. C'est ça aussi. C'est vrai qu'il y a des théories là-dessus, ouais. Ouais, ouais. Non, tout à fait. Il y en a ouais. Plein. Ouais. Mais moi, j'aime bien l'idée de l'extraterrestre. Tu vois, un peu. Ça, c'est une poule. Bah non, c'est la soupe aux choux. La soupe aux choux. Il nous fait une référence de 40. Quoi? Mais il y a un autre film de Louis de Funès dans Les Gendarmes et les extraterrestres aussi. Où un fantôme prennent... aussi, on peut dire que c'est un peu un extraterrestre. Il a pas une tête d'humain. Oui. Techniquement. Mais non, mais Gendarmes et les extraterrestres, ils prennent la forme humaine. Par contre, ils boivent de l'huile. C'est des robots extraterrestres. Si vous en croisez un mec qui boit que de l'huile, c'est peut-être un extraterrestre. Ou un gars du sud. De l'huile d'olive. Bah oui, évidemment, un peu cher. Que Laurent nous a apporté. Puget. Donc là, ils sont comment ces extraterrestres? Alors justement, je comptais un petit peu sur vous, parce que moi, pour moi, ils n'ont pas une apparence humaine. Non. La seule chose, quand même, parce que ils sont quand même sympas, quand même, les extraterrestres. Ils veulent pas effrayer les humains. Donc ils vont faire un petit peu à l'instar de V ou des envahisseurs de très vieille série. Ils vont prendre forme humaine en arrivant sur Terre. Ouais, donc comme mais on va peut-être les voir aussi de temps en temps dans leur forme naturelle, c'est pour ça. Ah, ils peuvent se transformer quand ils vont aux toilettes. Ouais. Quand ils vont, pourquoi aux toilettes? Je sais pas. parce que c'est pas prévu autrement pour. Ok. C'est mal foutu leur transformation en humain autrement. Alors d'accord, ils vont aux toilettes, ils se changent. En fait, c'est Clark Kent et Superman. Voilà. Mais moi, finalement, je prendrais bien un petit mix des deux. Ouais. Des mini-pieuvres. Des mini-poules. Comment? Attends, une parce pieuvre. Parce que Teddy parlait de pieuvres. Oui. Toi et puis Laura, vous parliez de tout petits, minuscules. Non. Alors... Mais ok. T'as d'accord. Parlé de petits bonhommes verts. Oui, on parlait de cellules aussi également. Ouais, de cellules, voilà. Oui, ça c'est petit. Alors finalement, en fait. Est-ce que. Je crois qu'on va les faire des petites pieuvres, pas très grandes. Oui, mais ça se font pas dans l'humanité, ça, une pieuvre. Non, mais quand ils prennent elle forme humaine. Mais quand elles sont seules aux toilettes et hop. Voilà. Ok. Et entre temps, elles vont faire comme disait tout à l'heure Teddy, des robots. Avant de rentrer dans des robots et des formes humaines, ça sera des robots. C'est des androïdes. Voilà. Ils ont des robots humains et ils sont dedans et ils pilotent. Des humanoïdes. En fait, c'est des mechas. Voilà. Ouais. Donc ils peuvent se changer, enfin leur forme naturelle c'est des pieuvres, et ils peuvent se changer en forme humaine robot quoi. Voilà, okay. Mais elles sont un petit peu comme dans Avatar finalement où il y a des petits bonhommes dans les grands... Quoi. Ah oui c'est vrai que... Mais non, tu sais que t'as toute ma culture cinématographique à refaire. Hein. En gros pour t'es pire que moi alors. Oui, ah bah oui, non, complètement j'assume. Dans Avatar il contrôle un corps de 400 mètres d'eau. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Alors que t'es un humain de taille de base, enfin t'es un humain quoi. Voilà, sauf que là c'est une petite pieuvre qui mesure quelques centimètres. Ouais. Et qui, pour être sur Terre et pas faire peur aux humains, pour pas être confondu avec un virus, par exemple, je sais pas. Oui. Hein, mesure 1m60. Ah là. Ouais, ok. Ah là. Donc, c'est grand 1m60. Bah c'est... Ouais, c'est grand, c'est ma taille. Donc, ah, 1m60 pour les petites pieuvres. Non, ah non, ah pour non, les robots. La forme, oui. Les robots, allez. Robots, ouais. On est ouais. en train de discuter sur la taille d'une pieuvre. Bon, allez, c'est bon, allez, voilà. Je te laisse parler de tes omnis maintenant. Il y a Mimati qui nous écoute, elle nous dit c'est vachement grand 1m60. Moi, je vais vous parler de la série OVNI qui est nouvelle. Hein. Elle apparaît en 2021 sur Canal. Série française, hein, Cocorico, quand même. Donc, c'est une saison pour l'instant, mais une deuxième. Voilà, merci du Cocorico. Bon bah. Peut-être qu'on peut passer à la suite. Votez pour votre coq préféré au 36-12. Alors, vote coq numéro 1, Laura. Voilà, et coq numéro 2, Teddy. Non, je suis le poulet de Bresse. Coq je suis un AOP, s'il vous plaît. Coq numéro 2, Daniel. Ah, c'est pas mal, hein. Coq numéro 3, Teddy. Oula, ça... Alors ça c'est le coq c'est le coq du sud. C'est le coq du sud, ouais, c'est le coq adolescent qui a pas encore mué. Ouais. Bah un poulet de Brest c'est forcément un jeune coq. Jade, est-ce que tu sais imiter le coq? Il y a Jade qui passe dans les studios. Ah oui, c'est vrai. J'ai envie de lui faire imiter le allez, coq. Allez, coq numéro 4, Jade. Faire la poule mais pas le coq. Alors fais la poule. Fais la poule. Elle était trop mignonne cette ça, poule. Ça c'est la poule, d'accord. Bon, okay. Alors maintenant vous devez voter pour l'une des quatre personnes. Bah voilà. Mais je vais faire la poule aussi. Ah oui, c'est vrai que Laura sait faire la poule. Vas-y, oui, la poule à Laura. Moi aussi je vais le faire. On s'arrête sujet. Là ou c'est bon? Merci Jacques pour cette intervention fabuleuse. Revenons sur la série OVNI. Donc il y a une saison 2 qui est en préparation. Donc la saison 1 compte 12 épisodes. J'ai bien aimé personnellement. Alors pourquoi? Parce que d'une part ça se passe dans les années 70. Ah ouais, parce que je me suis dit un truc avec des trucs un peu science-fiction. Oui, mais en fait c'est très, très humain. Ah ouais. Ouais, alors l'univers des années 70 est vachement bien retranscrit, que ce soit les maisons, les habitudes, les vêtements, l'Odiacat, les voitures. Alors ok, il y a quelques anachronismes si on regarde bien. Notamment au niveau des plaques d'immatriculation. Si bah voilà, bah voilà. Non mais tu as les nouvelles plaques. Non, il y a pas les nouvelles plaques, mais t'as beaucoup de numéros différents en fait sur une même zone et tu te dis ouais ok, ils ont ramené les voitures de collection. Non mais ouais, ça mais c'est bon. De la faute à la machine à remonter le temps. Hein. Il y a eu à la bugger. Ouais certainement. Voilà. C'est ça. Mais c'est relativement propre et bien fait. Puis bon, c'est pas le sujet principal qui, comme vous vous en doutez, parle des extraterrestres, voilà, les ovnis en tous les cas, entre l'explicable et l'inexplicable, et c'est justement le pitch de départ que je vais vous lire. Il y a Didier Mathur, c'est notre héros, ingénieur spatial dans une mauvaise passe suite à l'explosion d'une fusée qu'il n'a pas su faire décoller correctement. Il est contraint de prendre la direction d'un bureau d'enquête du CNES qui s'appelle le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, à savoir le GEPAN, qui en vrai est un vrai bureau qui existe hein, à Toulouse, je crois. C'est moche comme nom. Il existe le GEPAN, ouais, c'est vrai que c'est pas très beau. Il existe encore aujourd'hui et il est né dans les années 70 et d'ailleurs la France était le premier pays à mettre en place le bureau de ce type pour étudier. À mon avis, on est les seuls à avoir un GEPAN aussi. Hein. Sous ce nom-là, je veux dire. Sous ce nom-là, c'est sûr. Ouais. Alors, évidemment, quand on lui annonce la nouvelle, notre Didier, comme pour sa direction d'ailleurs, c'est clairement une mise au placard. Hein. C'est-à-dire qu'il y a trois péquenots dans ce bureau. Personne ne sait vraiment que ça existe. Tout le monde prend ça pour une blague. Tu sais, genre, ouais, on a créé ce service, mais en gros, il existe pas. Rien, ouais. C'est une blague. Mais non, ça existe vraiment. Bref, c'est pas la joie. Et puis, bon, à la base, notre héros. Il y croit pas du tout et d'ailleurs il est missionné pour en gros tirer les conclusions que la vie ailleurs n'existe pas et fin de l'histoire on ferme le service. Sauf que ça va pas se passer comme ça évidemment. Bon alors je vais pas vous spoiler non plus parce que la série est récente et vous aurez peut-être l'occasion de la voir. Mais il va s'y donner dans un premier temps pour trouver des explications scientifiques à chaque apparition de soucoupe volante qui est un petit peu partout, mais il va y avoir des événements qui vont être voilà, de plus en plus difficiles à expliquer et vont remettre en cause ses certitudes. Et forcément quand t'es persuadé d'un truc et qu'il y a des événements, on va dire, parasites qui vont te prouver le contraire, bah t'es perdu. Et dans ce cas-là, tu peux pas trop en parler. Alors ni à tes collègues qui vont te prendre pour un mec bizarre, un fou, voilà, ou ta famille, c'est pareil. Donc tu le gardes un peu pour toi ou pour ton équipe, parce que clairement dans l'équipe ils sont un peu des glingos, mais ça va bien avec l'univers. Donc il y a tout ça dans OVNI, en fait des adaptations permanentes de notre héros entre le je suis un scientifique, donc vous inquiétez pas. Ça va s'expliquer par ça et c'est d'ailleurs son rôle vis-à-vis de la presse. Et bon bah là je vais trouver une explication, mais pour l'instant je sais pas, il est bien embêté. Donc on est sur de l'humour, du second degré, du comique de situation à la sauce des 70s. Je trouve que ça marche vachement bien. On a réellement une passion dans les années 70 en plus, mais ça c'est réel, hein, pour les phénomènes paranormaux, parce qu'il y en a pas mal qui existent. C'est là où on a mis en place notamment le GEPA en France. Ou alors c'était pas genre trop facile de faire croire à quelqu'un « Oh, une soucoupe volante alors que c'était un frisbee !» Alors, il y a des choses, c'est-à-dire que même des choses qui sont filmées, etc., où c'est facile, oui, comme tu dis, de piéger volontairement ou involontairement, surtout. Parce que tu peux facilement te faire piéger en disant « Bah oui, ça on n'a jamais vu, et les méthodes sont pas là comme celles d'aujourd'hui pour prouver, et puis t'es pas en 4K non plus quand t'enregistres en vidéo. » Hein, donc voilà. Et notre héros, lui, enfin, qu'on suit, lui, il traverse une crise identitaire, clairement, parce que il avait son métier où il était ingénieur aérospatial, donc tout allait bien. Et là, il se retrouve dans une situation où il se retrouve un peu dans expliquer l'inexplicable. Donc, et puis bon, vis-à-vis de sa famille, ça va pas non plus. Donc, et en plus, on a un peu de pitié pour lui parce qu'il a un manque de charisme évident. Donc, on a envie de l'aider un peu. Alors, pour la BO. Musical, c'est Tilassine qui l'a signé toute la bande son avec du synthé à l'ancienne, un peu d'aide aussi de Jean-Michel Jarre. On écoute ce que ça donne. Ça, c'est le générique. On connaît les synthés des années 70-80, mais remixé à la sauce moderne. Balance le son, c'est ça. Un peu extraterrestre, tu vois, dans oui, les sons. Ça me fait penser à 70 extraterrestres. Ça me fait penser à Subnautica carrément. Ah ok. Ça pourrait très bien être une musique de Subnautica. Pas dans la mer, mais mais l'idée là. Mais une mer extraterrestre. Peut-être. Quant aux acteurs, alors je connaissais pas les noms parce que évidemment je ne connais pas cinéphile, les noms. Mais c'est Melvin Poupeau qui joue notre héros, donc Didier Mathur, Géraldine Paya, son ex-femme, Daphné Patakia, la fille un peu dans son monde qui fait peur du bureau, et Quentin Dolmer, le geek du bureau. Voilà pour les acteurs principaux. J'ai qu'une chose à dire, allez voir cette série parce qu'elle est cool. Il y a donc pour le moment une seule saison, 12 épisodes, 30 minutes chacun, donc c'est cool parce que tu peux dîner en regardant la série et après tu fais autre chose. Moi c'est comme ça que j'ai fait. voilà, donc à voir. Je lui mets 4 étoiles et demie sur 5 si je fais mon critique. Sinon. Oh, à ce nice. Ouais, c'est pas mal. Ah, d'accord, wow. Vraiment, ouais. Et pour une série de SF, ben ouais. Et en plus, toi qui donnes ça, oui. Bah wow. Ouais, ça doit vraiment être bien alors. Ouais. Non, mais parce que en fait, j'ai bien aimé. Alors, déjà l'univers et en plus le côté comique de situation et second degré, tout ça, j'aime bien. Oui, mais ça se prend pas au sérieux à 100%. Non, non. Ouais. Pour comparer avec Brooklyn Nine-Nine, qui est une autre série que t'as regardé récemment. Je suis en train de la regarder. Ça n'a rien à voir. Oui, mais tu mettrais ça au-dessus ou en dessous? Alors, je mettrais ça en dessous parce que j'avoue que le style. Alors, lequel tu mettrais en dessous? L'OVNI. Ah. Mais parce que ça me rassure. Plus fan de base d'une série comme Brooklyn Nine-Nine. Mais cela dit, je pense que sur la durée, tu vois, Brooklyn Nine-Nine, sur la durée, il y a 7 saisons et bientôt 8. On a tu fait peux le tour t'essouffler, ouais. à un moment donné. Alors que sur ce genre de série, je pense qu'on peut aller, on peut aller plus loin. D'accord. Ouais, je pense. Après, et d'un autre côté, il n'y a pas le recul parce qu'il n'y a qu'une seule saison. Ouais, c'est ça. Pour le moment, il n'y a qu'une on seule saison. On peut aller plus loin. Oui, on peut faire une deuxième. Bah déjà, c'est bien parce que oui. Des fois, il y a des séries. Oui, ça s'arrête à une. Par manque de succès, ça s'arrête à la mais saison là, 1. Là, en fait, Canal a commandé une deuxième saison avant même de diffuser la première. Donc, ils croyaient vraiment à leur bébé, quoi. Okay. Donc, voilà, à voir ce que ça va donner. Évidemment, il faut que les scénaristes aient des idées. Mais tu vois, on parle de Brooklyn Nine-Nine, leur casse d'Halloween, ils l'ont fait cette fois, quoi. Oui. À un moment, bon. Ouais, mais c'est récurrent, c'est. Enfin, oui, c'est... oui, c'est un comique de répétition aussi, c'est pas mal, ouais. Mais bon. En tout cas, une bonne note pour cette série. On écoute de la musique, on écoute cette fois-ci Bootleggers United avec Lemon Lullaby sur Indestar. Et après, on va parler de Laura. De Laura. On va parler des gentils extraterrestres dans les films. Des gentils, gentils. Des gentils, déglingués, gentils. Oui. Non, parce qu'il y en a des gentils, des extraterrestres. Non, mais t'as dit qu'on allait parler de Laura. Moi, par exemple. C'est Laura le gentil extraterrestre. Ah bah je sais pas. Ça, peut-être qu'il y aura une révélation. Et on continuera l'émission et l'histoire avec Daniel tout au long, puisque c'est le fil rouge de cette émission. Que va-t-il arriver à nos extraterrestres qui ont la forme d'une pieuvre ou de robot et qui viennent d'une autre planète et qui ont découvert la planète? C'est la planète Terre en fait, non? On sait pas encore. Si, hein. Si, j'ai ouais, spoilé, mais oui. Bah, puis de toute façon, tout le monde s'en doutait, sinon ça aurait pas d'intérêt. Hein. La planète bleue, évidemment, ils vont nous envahir peut-être. On le saura dans la suite de cette émission. Musique maintenant. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Merci madame en retard. Il n'y a plus de confinement, mais par contre, on est là, émission à la maison. On n'est plus à la maison non plus. Mais on n'est plus à la maison non plus. Mais si, on est à la maison chez Indestar. Et ah bah oui, oui, on est chez Indestar. Oui. Techniquement, vu le temps que j'ai passé, c'est presque une deuxième maison. Alors, clair. Nous sommes dans la maison à Teddy, donc. Voilà, merci de nous accueillir chez toi, Teddy. Il n'y a pas de recevoir. Sauf qu'il accueille sans boire, sans manger. Sans... Ah oui, il y a à boire dans le frigo, il y a à manger dans le micro-ondes. Il y a tout ce qu'il faut, mais en même temps, pas pour 500 000 personnes. On est à écouter cette émission ce soir. on parle des extraterrestres et des ovnis en règle générale d'ailleurs. Il y aura le quiz bien sûr à la fin de cette émission. On va continuer également notre histoire avec toi Daniel. Et puis là on va parler des extraterrestres gentils, déjantés mais gentils. Comme ça, dans c'est l'univers ça, ouais. De la pop culture. Déjantés. Déjantés, voilà, c'est pas grave, c'est une contraction déjantés, pour les deux. Déjantés. Plus tout ce qui concerne les séries et les films. Exactement. Alors quels sont tes... t'en as combien? 5 5 5 extraterrestres préférés. Exactement. Veux-tu que j'en parle maintenant ou voulons-nous écouter un bout de l'histoire de Daniel? Non, nous Daniel allons t'écouter non. maintenant. Ah d'accord. Voilà. Là, parce que là j'ai dû raconter quelque chose qui n'a pas plu, alors il m'a puni. Exactement. Voilà. Là, maintenant. Au lieu de me mettre au coin, il coupe le micro. C'est à mon tour. J'insiste. C'est parti. Parle-nous de ta belle-mère. Numéro 1. Quoi? J'adore ma belle-mère en plus, elle est trop gentille. Ah. Ça, c'est ce qu'elle dit. Alors, c'est une extraterrestre. Parce que hors antenne, tout à l'heure, c'était pas la même. Hein. N'importe quoi. Non, elle nous a dit c'est une extraterrestre, je sais pas d'où elle vient. Bah, elle vient de Nantes. Ah, c'est pas loin d'être un extraterrestre. Oh, c'est méchant. Non, j'ai un premier extraterrestre en tête, c'est le premier qui m'est venu en tête, bien que ça fait très très longtemps que j'ai pas vu ce film. Je vous laisse écouter le générique, vous allez sans doute reconnaître assez rapidement. Ouais. Attends, chers enfants. J'enlève un petit bed. Et vas-y. Alors s'il veut l'enlever, parce qu'il a pas l'air de coopérer. Voilà. Ah là, on a plus de musique de fond. Par Attention. Contre, on va entendre le générique. Ah oui. Tu reconnais, hein? C'est... La soupe au chou. Non. E.T. Spielberg. E.T. Ouais. L'extraterrestre. Ouais. Oui. Parce que, en fait, bon, je vous redis quand même le speech pour ceux qui ne l'auraient pas revu depuis longtemps, dont moi. C'est une soucoupe volante, en fait, qui atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Et il y a quelques extraterrestres qui ont été envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique. Alors, ils aiment bien jardiner, apparemment. C'est pour ça que on ça commençait par le jardinage. Voilà. Mais oui, c'était dédicace à E.T. Donc, ils sortent de leur vaisseau, mais l'un d'eux s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Ouais. Et donc, celui-ci il va vers la ville et... il rencontre la civilisation humaine et plus particulièrement des enfants. Donc d'abord Elliot, le petit... C'est ça, Elliot le héros. Ouais. Le petit garçon, et qui sera suivi de sa sœur et son frère. Et bref, en fait, ils sont bientôt traqués par des militaires et cette petite créature se retrouve bien embêtée. Et il veut rentrer à sa maison. C'est vrai qu'ils veulent lui faire du mal. Mais oui, oui. Mais c'est vraiment une question que je me pose aussi. A-t-il téléphoné réellement? Ah, c'est une question. Ah, attends, on entend un téléphone en fond, j'ai l'impression. J'entends vraiment un téléphone en fond. C'est toi qui mets le téléphone? Ah non, c'est dans... Ah oui, c'est dans la vidéo YouTube. Non, mais parce que c'était coïncidence, mais pas voulu. Oh la vache, ça fait peur. J'entends... Non, mais je sais en pas fait, si vous l'avez entendu aussi la maison. Souvent dans les films d'extraterrestres, il y a toujours cette histoire d'exploitation en fait de l'extraterrestre. C'est vraiment comme si c'était le propre. On veut décortiquer. Non, mais c'est ça, c'est comme si c'était le propre de l'humain. Enfin, quand on découvre quelque chose, une nouvelle civilisation ou quelque chose, on est toujours obligé de piller, d'exploiter. Et là, c'est pareil quand un extraterrestre vient sur Terre dans les films. Il y a toujours ce côté, faut qu'on voit d'où il vient, mais comment il est à l'intérieur et si et ça. On peut pas le laisser juste vivre. Mais est-ce que on le ferait pas en vrai? Parce que je pense que pour le monétiser, si bien sûr, c'est assez réel. Ben oui, mais enfin, c'est quand même, ça démontre très bien la nature humaine en fait. Ouais. Et ça veut dire que, à l'inverse, tu vois, si nous on allait sur une autre planète, je pense qu'on serait dans la même. On serait démonté aussi. On serait démonté. Ouais, mais je sais pas, je suis peut-être utopiste en disant ça, mais j'aimerais beaucoup en fait que ce soit. Comment dire. Que juste il y ait un extraterrestre qui arrive et qu'on l'accueille, on dit salut, ça va, bah ouais. On discute, tu vois. Viens à la maison, viens boire un petit coup non, à la maison. Mais voilà. Mais sans, mais sans le disséquer alors, en fait. Ça peut arriver s'il est plus armé que nous. On va l'inviter, on va parler avec lui s'il arrive en force oui, ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr, parce qu'on aurait peur, mais... Bah oui. Oui. Ouais, mais quelque chose en toute sympathie humaine. Oui. Bah ouais, bah, là on va être sympathique, mais ça sera pas une vraie sympathie au final. Non. Mais au final, voilà. dans ce film E.T., c'est seulement les enfants au début qui sont gentils oui. avec cet extraterrestre parce qu'ils ont plein d'innocence. Il est cool en fait. Ce humain un peu bizarre. Ils vont le sauver même. Non, mais c'est ça. Mais en fait, il est trop mignon ce petit extraterrestre. Enfin, parce que du coup, la petite fille, elle le déguise comme elle le veut. Oui. Enfin, elle lui fait apprendre J'sais des mots. Je sais pas si c'est mignon ça. Hein. Non, mais il se laisse faire. Enfin, il est. Il est pas méchant. Non, il est pas méchant du tout. Il est pas méchant cet extraterrestre. Et puis même, il apprend à parler super rapidement. Ouais. Enfin, il y a des moyens de communication très, très sympas avec lui. Il est trop mignon. Et. Enfin voilà, j'ai trouvé cette histoire très mignonne. Touche et c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 5 des extraterrestres mignons. Mais il est pas si déjanté que ça celui-là, c'est pas le plus non. déjanté non, de il est mon pas... top. Non, il est pas déjanté. Non, mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce film-là, alors, film qui est assez sombre malgré tout, ouais. même si la fin est quand même heureuse, etc. Mais c'est, l'histoire est plutôt sombre parce qu'on lui veut toujours du mal. Mais il y a cette amitié qui se crée entre ce gamin, Elliot, et l'extraterrestre, et puis ouais, la famille. Et je trouve ça, ouais, c'est touchant comme film. Il est bien fait. Spielberg, c'est un bon en fait film. À la fin t'as pas envie qu'il rentre à sa maison, t'as pas envie qu'il rentre à sa maison parce que t'es en mode mais il s'est trop bien intégré avec la famille ou au moins qu'ils s'échangent leur numéro tu vois qu'ils puissent s'appeler Bah, le téléphone à l'époque c'était pas aussi fiable c'est... qu'aujourd'hui bah, ouais, c'est non, ça, non, il avait pas de 06 hein. Il avait pas de 06 donc voilà, j'ai un autre extraterrestre en tête mais il n'y a pas de générique pour ce film. Ah merde. C'est un film sans générique. Bah j'en ai pas trouvé c'est le film Paul. Bah oui, parce que oui il a pas un générique iconique. Paul, ce qui est bien, c'est que les acteurs qui sont dedans, je te laisse en parler, tu les connais, je pense. Non, mais pas forcément. Enfin, en fait, j'ai un lointain souvenir de Paul, mais c'est vrai, il y a un des acteurs qui est dans Brooklyn Nine-Nine qui joue des membres du gouvernement, c'est Boyle. Ah oui, voilà. Il joue un des membres du gouvernement, il est complètement con. Mais c'est vrai que quand j'ai retapé Paul sur YouTube, genre les meilleurs moments, au final, avec le recul, c'est pas les meilleurs moments en fait. Enfin, pour vous resituer, Paul, c'est un extraterrestre pareil qui arrive sur Terre, mais c'est un des extraterrestres les plus cool parce que en fait, il a collaboré pendant des années avec le gouvernement américain. Mm-hmm. Mais cette fois-ci, le gouvernement s'est retourné contre lui en fait après avoir rendu service et maintenant ils veulent le buter, enfin, etc. Le disséquer. Voilà, le disséquer. Mais il va pouvoir compter sur l'aide de deux fans de science-fiction qu'il croise sur son chemin et qui compte bien l'aider le pour genre qui, se sauver. Qui veut explorer la zone 51, tu sais, là. C'est ça. Ce genre-là, tu vois. Voilà. Mais tu sais qu'ils sont pas téméraires, tu vois. Ils ont envie d'y aller, mais non, en fait. Ils sont sympas, tu vois. C'est des on ira quand il y aura personne. C'est ça. Mais je trouve que cet extraterrestre-là, il est cool. Mais il est presque un peu trop humain, en fait, dans ses discours. Il fume des bédos. C'est limite ça, hein, clairement. Non, mais vraiment, ouais, il fait tout à l'humain. Comme si c'était un humain, il discute comme vous et moi, en fait, là. Sauf qu'il a une tête grande et ronde et grise et pas de nez. Pas de nez ? Non, pas de nez. Comme Voldemort, pas de nez. D'accord. Et voilà, mais quand j'ai regardé les extraits sur YouTube des meilleurs moments, en fait, je trouve que c'est de l'humour très gras, très américain. Enfin, on en parlait dans une précédente émission de la différence. C'est anglais. Humour anglais et humour américain, c'est beaucoup moins fin que l'humour anglais. Genre, les meilleurs moments qui étaient passés sur YouTube, c'était en gros, il y a un moment donné, le gouvernement américain recherche cet extraterrestre et il se retrouve dans un magasin de science-fiction. Mmh. Et en fait, Paul, l'extraterrestre, il prend la pose pour faire genre c'est une statue. Et il était habillé en cow-boy et tout. Et puis le membre du gouvernement, celui qui joue Boyle dans Brooklyn Nine-Nine, j'ai pas le nom de cet acteur, il vient le voir et il fait « Oh, c'est marrant ce truc-là !» Et puis il dit « Tiens, si j'allais toucher tes boules intergalactiques !» Enfin, genre, c'est en mode... Ouais. Enfin, c'est très gras, quoi. Et puis ouais. Après, il gueule en mode « Ne touche pas à mes boules !» Et puis voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs types d'humour, en fait, dans cette série. Oui. Oh oui, enfin, c'est un film. Oui, c'est un film. Ce film. Puis tu peux le regarder en famille. En plus, non, mais en fait, chacun il prend l'humour qu'il veut. Toi, t'es plus l'humour anglais. Ouais. C'est plus ton truc. Mais je sais que j'avais regardé ça il y a peut-être 10 ans et j'avais bien aimé. Après, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu en entier. Ouais. Il fait partie d'une trilogie. Voilà, mais c'était vraiment un. Ouais. J'ai gardé un souvenir d'un pote sympa en fait, Paul. C'est pas vraiment un extraterrestre finalement, c'est le pote sympa que t'invites pour boire un verre, pour t'amuser. Il sera là quoi. Ah, parce que moi je connaissais un Paul aussi, mais bon. Il était pas sympa. Il était pas extraterrestre. Moi j'en connaissais un, mais tu pouvais l'inviter pour boire un coup, prendre un verre, ça t'amusait, il n'y avait pas de problème. Hein. Ouais, c'est ça. Et voilà, là, c'est un Paul comme tout le monde, en voilà. fait. Il n'y a pas voilà. de différence. Sacré Paul. Et il fait partie d'une trilogie, la trilogie Cornetto, avec Shaun of the Dead et... J'ai oublié le dernier. Mais c'est pas une trilogie. C'est pas une trilogie, mais... Alors, trilogie, normalement, c'est des suites. Oui, d'accord, ça, bah c'est, oui c'est pour ça. Mais là, je sais pas pourquoi on dit trilogie aussi. Mais c'est trois films qui sont liés parce que c'est les mêmes réalisateurs et deux acteurs aussi qui sont en commun tout le temps. Ok, d'accord. Et ils travaillent toujours ensemble. Ah. Et c'est des Anglais. C'est des gens... Mais non, ils sont pas anglais. Les acteurs, si, ils sont anglais. Ouais, alors, mais là... Dans Paul, ils font à l'américaine. Oui, mais c'est si ça. Tu regardes, par exemple, Shaun of the Dead, tu verras que c'est... Ah d'accord, pas pareil. J'ai pas vu Shaun of the Dead, c'est pour ça. Ah, c'est... Ouah, ça vaut le coup, hein. D'accord. Ça vaut largement le coup. Très alors, bien. Troisième extraterrestre gentil déjanté, il est dans la série Futurama, dont on va écouter le générique. Mais bien sûr, mais j'étais juste pas prêt. Veuillez patienter quelques instants, le générique arrive. C'est ça. Ça fait pas tout, tout, en fait. Non, ok. Le vaisseau qui se crache. Ouais. Voilà. Donc, c'est une série par le créateur des Simpsons, d'ailleurs. Ouais. C'est le même créateur des Simpsons. Matt Groening, je crois que c'est ça. Matt Groening, ouais. C'est ça, j'avais oublié le nom. Donc, on retrouve l'univers un peu cartoonesque. Voilà. En fait, c'est l'histoire... au début, c'est pas l'histoire d'un extraterrestre, c'est l'histoire d'un humain qui est sur Terre. Il s'appelle Fry, c'est un livreur de pizza en l'an 1999. Et à l'aube de l'an 2000, en fait, il se retrouve congelé pendant 1000 ans dans un freezer. Et il atterrit en l'an 3000. Cette fois-ci, c'est un vrai freezer. Voilà. Il atterrit en l'an 3000, où il rencontre Lila, une cyclope, Bender, un robot et plein d'autres personnages, parce qu'après, il se retrouve sur une autre planète. Donc, en l'an 3000, on a réussi à avoir des communications entre les différentes planètes. Il y a toujours la planète Terre. Ils sont pas sur Terre aussi, ils sont sur Terre aussi. Hein. C'est juste que c'est un peu évolué, que c'est un peu faire du Skype avec d'autres planètes. Mais en fait. Tu peux aller sur les autres planètes. Ah oui, tu peux y aller, mais ils sont toujours sur Terre. Oui, il y a la Terre, mais il y a les autres planètes. Oui, ah bah oui, et puis même c'est tranquille parce qu'il devient un livreur intergalactique. Oui, c'est ça, dans un grand vaisseau spatial, un livreur intergalactique. Colis, c'est ça. Plus donc des pizzas, mais... Voilà, c'est en plus gros, quoi. Et du coup, l'extraterrestre qui m'intéresse dans cette série, c'est Keith Croker. Donc en fait, il a un peu la même tête que Paul juste avant, donc il est fin, avec une tête ronde, les yeux globuleux, pas de nez, mais il est vert et c'est un sbire d'un humain, voilà. Ah, tu vois, il est vert, Teddy. Mais oui, alors oui, les extraterrestres sont verts. Je suis désolé, c'est comme donc ça. C'est comme Indestar. C'est le sbire de Zap Brannigan qui a cette fâcheuse tendance à avoir un t-shirt qui va juste en dessous de ses fesses, mais c'est tout. Donc on voit toutes ses jambes, ce Zap Brannigan. Enfin, okay. Il se la pète un peu, beaucoup même. donc Keith Croker, c'est un peu le sbire du capitaine. C'est un être très timide, mais qui tombe follement amoureux d'Amy Wong, qui est une humaine. Et ils font des bébés ensemble. Et c'est lui qui accouche, comme attends, un peu un hippocampe. J'ai pas tout suivi. C'est un extraterrestre et une humaine qui font des bébés. Oui. Ok, et ça fait des bébés quoi? Des bébés... C'est des sortes de bébés têtards. En fait, il doit aller sur une planète très spécifique pour aller livrer ses bébés têtards. Les bébés têtards, ils vont dans l'eau et puis après, ils grandissent comme ça. D'accord, des métis extraterrestres humains. Voilà, exactement. Ah, ok. Mais du coup, ce que j'aime bien avec cet extraterrestre-là, c'est que c'est l'être le plus doux et le plus sensible du show, finalement, par rapport aux autres personnages. Les humains, ils sont crus, ils sont francs. Lui, il essaie toujours de faire plaisir à tout le monde. Oh, c'est mignon. Il essaie toujours d'impressionner sa compagne, Amy Wong. Par exemple, il y a un humain cow-boy qui se la pète et tout, il lui offre une cigarette. Et en fait, Keef, il tousse avant même que la cigarette aille dans sa bouche, tellement il est sensible en fait. Et puis le cow-boy, il rôde. Je l'ai pas encore mis dans ta bouche. Ah oui, pardon. Ça fait du cinéma, ça. Voilà, et enfin même, il fait tout un maximum pour se faire respecter par ses beaux-parents, parce que les beaux-parents de l'humaine, enfin les parents de l'humaine, ils sont en mode, tu nous as ramené un mollusque ou quoi. Enfin vraiment très ils méchant. Ils sont exigeants parce qu'ils sont milliardaires et tout, donc ils sont pas. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose ce truc-là. Ma fille mérite quelqu'un de bien. Ouais, c'est ça. Il préférait le cowboy. Ouais, voilà. Il préférait le cowboy. Ah non, c'est une scène de Shrek. Ça me rappelle. Ah Oh, y a pas de scène comme ça. Mais si, tu m'as montré une scène où il y a un dîner avec les beaux-parents. Ah et... oui, ou qui rencontre ses beaux-parents. Ah ouais, dans mais Shrek c'est 2, marrant. Ouais. Ça, c'est très drôle. C'est pour ça, ça m'a fait penser à ça, pardon. Mais voilà, Kif, c'est vraiment celui qui va vouloir décrocher même la lune pour Amy, donc il a créé de toutes pièces un hologramme géant de la vie future qu'il aimerait avoir avec elle, en fait. Je pensais que c'était Mélenchon, en fait. Non, il est pas là-dedans. Non, et du coup, il veut carrément lui décrocher la lune dans cet hologramme. Il est en mode, je vais te décrocher la lune. Et puis, en fait, il tombe dans l'eau avec la lune. Enfin, mais ça décrit vraiment le personnage, le gars qui est prêt à tout pour ses proches, mais qui est un peu... Un peu maladroit. Très maladroit, mais ouais. très gentil. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top des déjantés gentils. J'ai cru que t'avais parlé du crabe. J'ai oublié Zoidberg. Zoidberg. Mais c'est pas vraiment un extraterrestre pour moi, c'est un crabe. Il parle Bah oui, normal. Ouais, mais il vient d'une autre planète. Non mais Kif est, à mon sens, plus l'archétype de l'extraterrestre que Mais une planète Zoidberg. De crabe. Il vient d'une planète de crabe. C'est vrai, mais il est très marrant, Zoidberg. La planète de crabe, quoi. Le Toubib qui n'est pas respecté du tout. C'est ça. Et nous allons passer ensuite à un film. Film des années 90, enfin des années 90, écoutez-moi. C'est avec un joueur de basketball et avec un mélange de films d'animation et de films réels. Bienvenue à Gazingard, on dirait pas. Ouais, nous on a l'image aussi. Hein. C'est bon. En fait, ils sont en train de se préparer pour faire le match de basket de leur vie. Ah, mais il y a Titi et Grosminet. C'est Space Jam avec les Looney Tunes. Ah, oui, c'est ça, ok, d'accord. C'est ça, donc Space Jam en fait avec tous les cartoons Bugs Bunny, Daffy Duck, okay. Il y a aussi Michael Jordan qui était la star. Ouais, donc là on est dans le film comme on disait tout à l'heure avec Tom et Jerry où il y a des vrais humains et des personnages de dessins animés. C'est ça. Donc en fait c'est un peu une dose de nostalgie des années 90. Donc en fait le pitch c'est qu'il y a les affreux monstres venus de l'espace qui sont venus kidnapper Bugs Bunny et ses amis pour les emmener dans un parc d'attractions extraterrestre. En fait, ils voulaient prendre les Bugs Bunny et compagnie parce qu'ils sont rendus... En fait, les Monstars, les extraterrestres, ils ont un parc d'attractions, mais dans ce parc d'attractions, il n'y a personne qui y va. Ils trouvent plus ça drôle. Ah. Et pour rendre ce parc d'attractions drôle, ils regardent la télé sur Terre et ils disent « Oh tiens, il y a les Looney Tunes, c'est trop drôle. Vas-y, on va les capturer et on va les mettre dans notre parc d'attractions. » Ouais, c'est méchant. Voilà, ils sont méchants. Et du coup, leur seule chance pour nos héros d'échapper à leur sort, c'est de battre les Monstars au basketball. Alors, pourquoi ce pitch ? Parce qu'il y a Michael Jordan. Ouais, non mais c'est ça en fait. Ils se sont dit, bah, quelle personnalité veut venir ? Du basket ? Ok, on va trouver un truc. C'est ça. Et donc, en fait, les Monstars, au début, ces extraterrestres sont vraiment tout petits extraterrestres. Ils ont juste des armes de ouf, mais ils sont vraiment tout petits. Mais ils deviennent géant pour le match de basket. Donc genre au début les Looney Tunes ils sont en mode ouais trop bien, on a Michael Jordan qui va nous aider à nous échapper, on va gagner. Et puis là sur le terrain de basket ils voient les géants monstres, ils sont en mode waouh comment on va faire. Ouais. Mais du coup face au gigantisme de ces monstres en fait ils vont plutôt se révéler assez malins et au final on se rend compte que les monstres en fait ils sont gentils, c'est juste qu'ils étaient sous la houlette de leur boss qui lui est méchant, mais eux ils sont déjantés gentils et voilà. Et j'adore le fait qu'ils règlent leurs problèmes avec du basketball, quoi. Enfin, c'est comme... C'est le sport. Oui. C'est comme... va bientôt y avoir un remake, mais cette fois-ci avec le joueur de basket LeBron James. Donc ça va être Space Jam Nouvelle Ère. Okay. Et donc, du coup, ça va reprendre un peu le même principe. Je connais pas ce j'ai regardé la bande-annonce... C'est aussi un grand basketteur... C'est ça, c'est un très grand basketteur. Ah, en fait, ouais. C'est l'équivalent de Michael Jordan, mais d'aujourd'hui, en fait. Ah bon, d'accord. Voilà, d'un point de vue niveau basket à NBA, c'est vraiment le top du top. C'est juste qu'on idolâtre moins les gens en fait maintenant, enfin je trouve, mais c'est parce que bah non, mais en termes de carrure et en termes de comment dire de carrière, il a peut-être fait même mieux en fait. Ok, que Michael Jordan. Voilà, c'est enfin Michael Jordan c'était une autre époque et là aujourd'hui c'est LeBron James, et du coup c'est un peu le même speech quasiment. En gros, on enlève le fils de LeBron James, d'ailleurs on sait pas pourquoi dans la bande annonce, on saura ça plus tard. J'sais et pas, en fait, il propose un match de basketball pour qu'il récupère son fils. Wow. Tout est prétexte à faire un match de basketball. Hein. Ouais. Non mais voilà, et enfin je l'ai trouvé mignon ces petits extraterrestres et ça m'a donné une pointe de nostalgie de revoir Space Jam. Et il y a c'est pas bien si longtemps. Fait de le parallèle entre l'être humain et les personnages, et ça matche bien, non ? Non. Ah moi je trouve ça a pas si mal vieilli que ça. Enfin ou c'est peut-être parce que je le regarde encore avec mes yeux d'enfant et du coup ça me paraît génial. Mais ça pique. Hein. Ah, ça pique. Hein. Puis en plus, je critique pas Michael Jordan, mais niveau acteur. Ah, bah non, mais c'est normal. Mais c'est comme quand tu vois la bande-annonce avec LeBron James, il a l'air étonné, mais tu sens que c'est fake en fait, dans ses mouvements. Mais c'est normal, c'est pas leur métier. On en parlait tout à l'heure, les acteurs, c'est un métier assez dur, mais là c'était acteur studio parce que du coup tu parles à personne. Oui, bah, oui en ça. Plus de ça, ouais. Ouais c'est et quelqu'un qui a même pas acteur qui parle à personne, ça donne super faux. Ouais, je comprends. Ça pique les yeux. Mais c'est plus pour les enfants en fait, finalement, Space Jam. Tu regardes ça avec tes enfants tranquille. Ouais, et ça. Avec tes yeux d'enfant, tu vois pas tout ce que t'es. Ou t'es fan de basket et tu regardes quand même. Mauvais joueur. Bah, après, il y a pas vraiment de technique de basket, mais c'est juste l'univers qui est sympa. Mais voilà, donc dans mon top 5, il y a ça. Et le dernier que j'ai en tête, qui est un de mes préférés, il s'appelle Roger. Il est petit, il a une grosse tête grise et il vit aux États-Unis. Ouais, mais c'est en Amérique, c'est Roger. Là, oui. Roger Federer. En français, ça fait bien Roger. Ouais, Roger. Roger les Stargazes. Trop bien. Donc Roger, c'est un alien qui vit avec la famille Smith. Il a vécu sur Terre depuis 1947. Ah oui. Et à l'âge de 1600 ans, parce qu'il a déjà 1600 ans à l'époque où il rencontre la famille Smith, en fait, c'est Stan, le père de famille, qui travaille avec la CIA, qui l'a rencontré sur la zone 51. Ah, et, la fameuse zone. Voilà, ouais. Et du coup, en fait, Stan a décidé de sauver cet alien, et au final, il le garde dans son grenier. Mais ça va pas durer longtemps. Enfin, en fait, dans les premiers épisodes de la série, Roger, comme vous voulez, est interdit de quitter la maison afin de se cacher des autres humains. Normal, parce que si on voit un extraterrestre, surtout dans la maison de quelqu'un de la CIA, ça risque de chauffer grave. Mais cette restriction est bientôt abandonnée et Roger commence à adopter des déguisements et des personnages fictifs pour avoir une vie en dehors de la maison. Donc bon, suffit qu'il se mette une moustache, une casquette sur la tête et hop, c'est un personnage en fait. Tu caches sa grosse tête qui ressemble à, je sais pas, une poire à l'envers. C'est ça. Tout à fait normal. Mais c'est dingue parce que vraiment, il a cette capacité de travestissement dans tous les sens du terme. En fait, il peut très bien se déguiser en femme et tout le monde y croit. Il peut devenir n'importe qui sur Terre en fait. Et il se change en deux secondes même. Ouais, comment on appelle ça du morphing enfin, du. Morphisme. Oui. Morphisme peut-être. Ouais, enfin, vraiment. Mais c'est juste par des déguisements. C'est même pas. Il change pas de forme. C'est vraiment, comme, il se met une Fantomas. Perruque. Et il change de personnalité aussi un peu. Ouais, des fois, enfin. Roger, il est mignon comme ça, mais. Ah non! Enfin, ouais, au début, c'est plutôt un être sensible, voilà, qui est souvent pris à partie, trompé, ridiculisé. Mais au fil du temps, c'est un personnage qui devient de plus en plus cruel, égoïste, sinistre, dépravé. Bien que la famille Smith soit vraiment inconscient de. Et t'as fait. Dit qu'il avait quand même 1600 ans, donc en fait, d'un seul coup comme ça, il vrille quoi. Bah, je pense que. C'est marrant pour le scénario en fait. Ouais, voilà. Merci. C'est simple que ça. Ouais, parce que je me dis, tu vois, dans nous, notre vie qui est relativement courte, on peut changer. Il posait les choses. On apprend dans le 9e épisode de la saison 3 qu'en fait, il est odieux, mais il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, c'est un trait de caractère qui serait présent chez tous les extraterrestres de son type. Ouais. Et en fait, que s'il essaie d'être gentil à 100%, il meurt. Il peut vraiment mourir. Okay. Donc, il est obligé d'être méchant à des moments. Donc, je pense qu'il s'est rendu compte de ça assez rapidement. Donc voilà, mais Roger, il est déjanté gentil parce qu'il a un côté très gentil parce qu'il prend soin de la famille Smith. Mais d'un autre côté, il peut très bien les défoncer aussi. Voilà, hein. Il est sarcastique, susceptible, impulsif, alcoolique, toxicomane, mégalomane, alcoolique. Enfin, il a plein d'adjectifs dépréciatifs. Et puis des fois, il peut être extrêmement viril et puis à l'autre bord. Extrêmement efféminé, donc il est vraiment tout à la fois et c'est ça qui rend la série très drôle aussi d'avoir ce petit extraterrestre qui peut tout faire, même dans son grenier il a installé un bar, enfin il fait vraiment ce qu'il veut et enfin c'est pour ça que je l'adore, donc prenez l'extraterrestre que vous voulez, moi mon préféré entre les 5 j'aimerais aller boire un coup avec Paul, jouer aux poupées avec E.T., aller sur d'autres planètes avec Keith Croker. Ça s'appelle Je ne choisis pas ça. Non, mais c'est chaque activité, son personnage. Faire une partie de basket avec les monsters, mais en version mini, parce que les versions gros, et bah, du coup, ils vont me défoncer. Et puis, boire un verre avec Roger dans son grenier. Ok, très bien. Donc, une bonne petite partie avec les extraterrestres, une belle tranche de vie avec les extraterrestres. Ouais, c'est ça, on peut tout faire en fait. Enfin, ce que j'aime bien du coup, même si c'est des séries purement humoristiques, c'est se dire, mais en fait, on peut d'une certaine manière vivre avec eux en fait. Il te manque quand même l'extraterrestre de la soupe aux choux pour manger de la soupe aux choux quoi. Oui, c'est vrai que j'y ai pensé aussi, mais. Je sais pas, je voulais rester plutôt dans l'univers sympa. Série. Comment sympa, mais... Non, mais je sais pas, ça a moins retenu mon attention que les autres. D'accord, ok, très normal, bien. Normal, dans les années 20. C'était ton top 5. Arrête, ça n'a rien à voir. Ah, petit salaud. On va demander. Il en manque un. Ah. Alors, on a quelqu'un qui vient d'arriver en studio. Enfin, qui vient d'arriver, non, mais qui est en studio avec nous. Est-ce que ton micro fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. Bonsoir. Oui, c'est bon. Bonsoir. Alors, qui es-tu? Je m'appelle Sylvie. Bonsoir Sylvie. Enchantée. Le thème ce soir, c'est les extraterrestres. Ton top 3 d'extraterrestres? Bon, moi déjà, j'ai Alf. Alf, oui, ah, je connais Alf. Ouais. C'est marrant, Alf. Pas bizarre. Sinon... c'est E.T. aussi. Ouais, E.T. est sympa aussi, ouais. Ouais. Et un troisième comme ça qui vient à l'esprit? Non, pas forcément. Moi, c'est pas un extraterrestre, c'est The Mask, mais c'est pas un extraterrestre. Non, et pas. Alors, très bon point pour The Mask. Si. Ah bon? Parce que, bah si, parce que les dieux ne vivent pas sur Terre. Ah oui. Oui, mais. Oui. Mais. Alors, ouais, le gars qui fait le masque, non, enfin c'est Jim Carrey, je crois. Oui. Mais celui qui a inventé le masque, Loki, c'est un dieu. Il est pas sur Terre. Ouais, d'accord, ok. Il vient d'Asgard. Est-ce qu'on peut considérer des dieux comme des extraterrestres? Ah, bah sinon, si, la série V. Comment dire? Nous, on les considère comme des dieux. Ouais. On les considère comme des dieux, mais en fait, c'est juste des gens qui viennent d'une autre planète. Oui, on va dire que c'est pas sur Terre, donc extraterrestre. Extraterrestre. Oui. Voilà. La série V. Pardon. Le pitch. Pendant que tu meurs. Pendant que je meurs. Ouais. C'est quoi la série V? C'est quoi la série V? Eh ben, en fin de compte, c'est des serpents. Mais en fin de compte, ils sont transformés en humains. Et puis, ils veulent conquérir la Terre. D'accord, donc c'est des serpents sympa. Qui viennent d'une autre planète. Et il y en a un gentil dans le lot, et c'est Freddy Krueger. D'accord. L'acteur qui joue. Oui, l'acteur qui joue. Parce que je me dis, attends, Freddy Krueger, c'est pas le mec avec les griffes qui joue un méchant ça, Si, mais justement, il est pas censé être gentil lui. Non, mais il fait un gentil. L'acteur fait un gentil aussi. Il faut un peu de tout. Gentil. Ok, d'accord. Il faut tout pour faire un bon. Oui. Ok, ce que je propose. Alors, Daniel va nous rejoindre dans un instant, mais on ne sait pas exactement quand. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la surprise. On va écouter une reprise de Miley Cyrus avec Angels Like You, extrait de son dernier album. Ça s'appelle La chanteuse qui la reprend et Brittany Max. Et dans un instant, on verra ce qu'on fait. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Émission à la maison ce soir, en ce vendredi où nous partons à la conquête des autres planètes. Quoique, les autres planètes peuvent venir à notre conquête. On parle d'extraterrestres, on parle d'ovnis. Laura nous a concocté une fable, mais une fable des temps modernes. Oui, c'est une fable des temps modernes. Alors, et les fables des temps modernes, c'est forcément avec l'accent du sud. Ah oui, alors me demandez pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. Je vous raconterai peut-être pourquoi j'ai commencé à faire des fables des temps modernes, parce que là, je vais vous raconter l'histoire d'E.T. Et le téléphone. Bah oui. Voilà, nous restons dans le thème. Parce que sinon, dans ma farandole de fables, j'ai la poule et la biche, j'ai l'hippocampe et l'ornithorynque, enfin pléthore d'animaux. Mais je crois que tu nous en avais fait une ou deux déjà en cours de saison. C'est pas possible. Bah si. Ah si, c'est vrai. C'est pas possible. Si, c'est possible. Mais j'en ai avec les animaux. Mais j'en ai fait des nouvelles depuis. Ah bah on a hâte de les entendre. Mais voilà. Ce soir, évidemment, puisqu'on parle d'extraterrestres, on va avoir une fable d'extraterrestres. Exactement. Alors allons-y. E.T. et le téléphone. Est-ce que tu peux baisser un peu le bed ou prendre quelque chose d'un peu plus posé? Voilà, un peu plus on est dans la pompe. Ça te plaît pas? Tu as du posé. Non, alors non. Alors, on a du posé. Ouais, ça c'est posé. Ok. Ah, oui, ça, tu préfères? Oui, ça fait histoire. Ouais, c'est pas mal. Alors, E.T. et le téléphone. E.T. ou devrait-on l'appeler l'extraterrestre d'une autre contrée, avait atterri sur Terre, après de nombreuses galères, par inadvertance. Mais il a su saisir cette chance de tomber sur un petit être, plein de tendresse, plein de sagesse, ni extra, ni terrestre, qui savait tout sur le bout des doigts. Que nenni, nous ne parlons pas de l'humain, comme vous et moi. Non, nous en sommes bien loin. E.T. avait rencontré un téléphone qui n'appartenait plus à personne. L'extraterrestre tenta alors de rentrer en communication avec cette boîte d'argent et d'or. C'est un iPhone. E.T. téléphone maison. Ce fut la révélation pour le cellulaire qui lui indiqua le meilleur itinéraire. Prendre à gauche sur Pluton, puis prendre à droite sur Jupiter, et vous serez arrivé à maison. E.T. était abasourdi. Il avait devant lui la clé pour entrer dans sa maisonnée. Mais il ne voulait point abandonner le cellulaire qui l'avait fort aidé. Alors, il l'emporta à ses côtés dans son vaisseau spatial raccommodé. Hélas, le téléphone ne voulait plus jouer avec son dictaphone. En plus de ne pas être causant, il sombrait dans le néant. C'est alors que E.T. réalisa qu'il l'avait emmené dans son cabas sans lui avoir demandé s'il voulait l'accompagner. Alors, E.T. posa cette question. Téléphone, rentrée, maison. Le trafic est perturbé. Je vous conseille de prendre à gauche du soleil pour me ramener dans ma contrée. Morale de cette histoire, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse. E.T. voulait rentrer à sa maison, mais le téléphone cellulaire aussi. N'oubliez jamais que l'empathie, le consentement et se mettre à la place d'autrui vous rendra plus humain que n'importe qui, que vous soyez extraterrestre ou téléphone cellulaire. Bravo ! Ça rime trop bien. Je dis bien double bravo en plus, parce que bravo à toi Laura, et bravo pour ce timing parfait de Daniel. Tu as loupé la fable. Tu as loupé la fable. Pas du tout, parce que j'étais en voiture et j'ai écouté une Desta. Bah voilà, et puis bien entendu, tu pourras réécouter le... Podcast évidemment, disponible sur toutes les applications, et cela dès demain. Merci beaucoup Laura pour cette gentille fable. Et bah, je vous dis de rien. De rien. Et de rien. Et c'est fait avec des rimes. Hein. L'emploi j'ai du mot cellulaire aussi, comme nos amis québécois. Voilà, parce que on les aime bien. On va repasser sur notre histoire. Notre histoire, vous l'avez peut-être entendu depuis le début de cette émission, l'histoire d'extraterrestres, bien sûr. On a un peuple qui s'appelle les... Palmitiens. Ah non, raté. Les quoi ? Les Palmitiens. Les Palmitiens. Palmitiens. Qui sont dans un vaisseau et ils cherchent une nouvelle planète pour atterrir. On ne dit même pas atterrir. C'est pour poser leurs valises et planter leur tente. Voilà. Et justement, ils voient une planète qui ressemble bizarrement à celle de la Terre. On rappelle d'ailleurs que ces habitants peuvent se transformer en leur état naturel, on va dire, en forme de pieuvre, et peuvent se transformer en robots humanoïdes. Voilà. Techniquement, ils ne s'en sentent pas en pieuvre, vu qu'ils sont déjà... Ils sont déjà pieuvres dans leur état naturel. Voilà. Et là, justement, ils voient cette planète bleue. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bonne question. Hey. Alors, on parle, il y a d'autres points, mais on les verra plus tard, au fur et à mesure des émissions, après tout. Ça va durer jusqu'en 2024, cette histoire. Alors, je vous ai remis tout à l'heure une feuille de personnages. Oui. Oui. Donc, les extraterrestres. Alors, vous allez choisir chacun un ou deux personnages. Ouais. Peu importe. Pendant ce temps-là, moi, je vais commencer à dire ce qui se passe dans le vaisseau, l'ardiniste. Ouais. Hein. Et si vous voulez, n'hésitez pas. Vous intervenez si vous avez quelque chose à dire. Moi, je suis l'inventeur de génie, c'est bien ça. Voilà, même si ça me l'est prise dans mon histoire, vous pouvez quand même m'interrompre, hein, il n'y a pas de problème. D'accord. Mm-hmm. Voilà. On doit choisir deux personnages extraterrestres ou terriens, peu importe. Non, non, extraterrestres, parce que là, on est sur la partie extraterrestre, on viendra sur une autre émission. Je veux bien être chef de l'expédition et... Je suis Sirius. Et... Un ou deux, hein. Deux, c'est pas obligatoire, et parce qu'il va falloir les jouer. Moi, donc, je suis le Jiki, le petit mousse. Un personnage déjà, chacun, ça sera pas mal. Ouais. Je pense, pour réussir à tenir un personnage. Oui, puis je compléterai s'il y a besoin. Voilà, l'inventeur de génie, pour moi, je suis le chef. Sabiki. Je suis Sirius, responsable de la sécurité. Ouais, ça m'étonne pas. Ça te va bien, responsable de... Alors, ça, c'est Laura. Sirius, c'est Teddy. Et Sabiki H, pour moi. Sabiki H, c'est... C'est Sabiki. Théo. Ouais. Alors, je vais pas tous donner les autres, hein, parce qu'on va pas tout dévoiler maintenant, quand même, ça serait pas marrant. Tu peux avoir la voix de Père Fouras. Ah, tu peux faire la voix que tu veux. Hein. Bah ouais. tu prends la voix que tu veux. Ok. Bon. Alors, donc, comme je le disais, dans leur vaisseau, dans l'Ardéniste, depuis ce qu'ils appellent les Palmitiens la grande catastrophe. Oui. De toute façon, c'est une grande catastrophe, ils peuvent plus vivre, forcément, hein. Comme je vous le disais, les survivants errent à travers l'univers, explorant les galaxies, à la recherche d'une planète accueillante de préférence, qui, bien évidemment, pourrait les accueillir. Une planète accueillante qui les accueille. Ouais, j'espérais que quelqu'un relève, c'est fait, merci. Voilà. Donc, ils ont repéré cette planète qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, autrement, ça serait pas marrant, ça serait une autre planète que la Terre, franchement. Donc, c'est la Terre. Voilà. Oui. Et donc les Palmitiens, alors Ils descendent ? Non, attends. Non. Alors, il y a une analyste en chef, quand même, que je vais faire, qui s'appelle Kana. Hein ? Alors, ouais. Les rôles que vous avez pris, c'est Calista pour Laura, la chef de l'expédition, Cyrus pour Teddy, le responsable de la sécurité, ouais. Et Sabiki pour Théo, l'inventeur de génie. Ouais. Donc, moi, je vais essayer de faire de temps en temps les autres. Hein ? Hein ? Pour l'instant, c'est l'animateur de génie. Hein ? Il ne peut pas tout faire, le pauvre. Hein ? Ouais. Donc... génie, je suis pas sûr. Ah, oh, c'est méchant. Alors donc, Kana affine les. Quand même, la planète. Apparemment, ils peuvent vivre. Et là, je vais essayer de faire Kana parce que c'est une femme. Alors. C'est facile. Oui, c'est facile. Ah ouais. Ah ouais, jolie voix. Ouais. Eh, dites les amis, on n'a pas remarqué, mais il y a déjà une forme de vie évoluée sur cette planète. Vous croyez qu'ils pourront nous laisser planter notre tente? Alors déjà, je tiens à préciser en tant que chef que nous n'avons plus qu'une dizaine de tentes. Ah non, ce n'est pas un problème. Je peux vous inventer quelque chose de mieux qu'une tente. Une yourte. Vous connaissez les yourtes? Je connais, mais c'est pas très sécu tout ça. Hein. Ça tient pas très bien debout. Dans le temps, c'est pas très l'idéal. Il nous faudrait quelque chose d'autre. Hein. Alors vous et votre pragmatisme à la noix. Je dois dire qu'il a peut-être pas tort. Parce que il y a beaucoup de vent sur cette planète et les yourtes, peut-être que ça tiendra pas. Mais y aurait-il un endroit sur cette planète où il y aurait un peu moins de vent pour mettre la yourte? C'est quand même intéressant mon histoire de yourte, hein, n'est-ce pas? Oui, alors ils fabriquent des grands machins et peut-être que dedans ça s'appelle des halls au rez-de-chaussée. On pourrait peut-être planter la yourte. Ah, vous voulez dire un bâtiment avec du dur? Du solide. Ouais, mais regardez, il y a des petits trucs là qui vivent. Ah, des humains, pardon, je cherchais le nom. Ah, des humains. Ouais, c'est ils un peu ils m'ont l'air proche. Un peu chétifs, non? Ouais, rappelez-vous quand même, ils nous connaissent pas, on les connaît pas, on va peut-être pas s'approcher trop près de chez eux. Hein. On peut les exterminer. Non. Quoi, faisons preuve de diplomatie. Je viens d'inventer la bombe atomique. Ah, non, garde ça pour plus tard, alors, ça va leur servir. Moi, je garde. Ouais, alors. Il y a un petit problème, t'as dit que les humains avaient l'air chétifs. Le problème, c'est qu'ils sont quand même plus grands que nous, hein. Ouais, mais comparé à ma bombe atomique... Non. Comparé à mon SP... Non. Je sais pas, ils ont l'air louches quand même. Et effectivement, ils ont pas l'air, très sympas, très accueillants. Regardez ce qu'ils font aux chiens. Peut-être devrions-nous nous transformer dans le but de pouvoir les amadouer. Ils ont l'air très belliqueux, hein. Ils ont l'air de faire des guerres un peu partout, surtout là où il y a le désert un petit peu, c'est un peu plus... Sabiki, t'aurais pas un truc pour faire passer inaperçu dans le monde des humains? Justement, je cherche une potion d'invisibilité. C'est pas mal ça, la potion d'invisibilité. Mais si on est invisible, nous ne pouvons pas aller à leur rencontre, ils ne nous verront pas. Ah, c'est pas con ça. Il est complètement con lui, hein. Effectivement, on a dit que j'étais un inventeur de génie, mais... Ils vont pas nous voir, mais ils vont nous cogner, tu vois. Oui. Mais alors, par contre, on va pouvoir leur piquer sans qu'ils nous voient, il y a la bouffe. Ça, c'est cool. Note pour plus tard. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Il nous faudrait quelque chose pour passer inaperçu, genre un déguisement, tu vois, t'aurais ça? Un déguisement? Ouais. Oui. Et qui soit à peu près de la même taille qu'un humain, genre alors, un humain petit, genre 1m60. Un déguisement, c'est très bien, et on peut inventer un événement pour passer encore plus inaperçu à ce moment-là. On l'appellerait le carnaval. Oh! Ah, ça c'est une chouette idée, mais en quoi consisterait ce carnaval? Est-ce que nous aurons des beignets par exemple? Des beignets? Alors c'était pas l'idée, mais bon, pourquoi pas? J'ai un peu faim, je l'avoue. Ça c'est vu, on ferait ça par exemple. Allez, tu devrais aller voir Neria. C'est quoi la petite ville qui est là? Rio! Ah, Rio. C'est bien ça, Rio. On fait ça à Rio, on invente le carnaval. On se déguise, on lance des sardines aussi, comme ça. Très bien, les sardines. Alors, si je peux me permettre, est-ce que je peux être en maillot de bain et avoir des plumes sur le dos? Alors, pour toi, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Bah, pourquoi? Mais parce qu'on préfère... Miss Khalifa, là. Quoi? Non, c'est sérieux. Comment ça s'appelle? Kana. Ouais, c'est pas pareil, hein. Et moi, je suis Calista. Pardon, Calista? Oui, non, Kana, c'est bien. Mais pourquoi pas moi? Mais parce que c'est physique. T'as pas un physique à avoir des plumes dans le cul, c'est comme ça. Parce que il y a un problème. Les plumes, c'est une espèce protégée qui niche chez eux. Ah bah voilà. Alors comme c'est protégé, on peut pas les toucher. Au pire, on pourrait pas genre envoyer le mousse en reconnaissance. On lui met des plumes dans le cul et on va voir ce qu'il fait à Rio. C'est vrai. Ah. Ok, ok, ça. Ouais, vous parlez de quoi? Ah bah tu tombes bien, Gigi, toi. Gigi le mousse. Oui, c'est moi le mousse. Ah. On parlait de toi justement. Ah ouais, vous m'avez on bien. A une mission importante pour toi. Oh quoi, génial, génial. Le fruit de ma dernière idée de génie, figurez-vous. Wow, t'es trop un génie. Tiens, vas-y, passe-moi les plumes. Chtoing. Oh, wow, wow, wow, wow. Super ton idée de génie. Ça eh pique, ben. Hein. Mais ça vient d'où, ça? Tu vas initier le carnaval. Oh, ouais. Attendez, je vais commencer par un petit tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Ah, c'est bien, hein. Tcha-tcha-tcha. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Il a l'air humain. Il y a beaucoup de chats, en effet, sur cette planète. Ah. Hmm. Le tcha-tcha-tcha. Il y a beaucoup de tcha-tcha-tcha. Oui. D'accord. Je fais quoi? Je comprends pas tout. Alors, tu vas descendre du vaisseau. Hein? Tu vas t'immiscer. Tu sautes pas, hein? Ah non. Okay, on va te déposer d'accord, sur d'accord, Terre. D'accord. Et tu vas faire comme si t'étais un être humain. Attendez, je suis MC, le médecin. Ah. Alors, MC, je vais vous expliquer. Ça peut être meilleur chirurgien, ma soeur cardiologue. Ouais. Hein? Enfin, c'est le médecin. Vous êtes pas un peu bourré aussi? Il raconte son CV, lui. Non, mais... J'ai fait Bac plus 12. Si t'as un truc à dire, MC, tu le dis. Mais n'interromps pas notre mission. Le problème, c'est que... Il y a peut-être des maladies. T'as été voir le médecin. J'ai été voir, Je me suis ausculté. Et moi, je suis pas malade. Ouais. Ouais, ouais, ça se voit. Mais est-ce que ce serait pas un peu votre rôle de justement avoir un premier patient pour une fois? Justement, si Jiki était malade, il nous ramènerait plein de... Ah, comment ils appellent ça, de virus? Ah, des virus. Mais attends. Si. On a dit qu'on l'envoyait, on n'a pas dit qu'on le ramenait. Quoi? J'ai pas suivi. Ah oui, tu pars en mission en aller, pas en retour pour le moment. Billet simple, aller. Et si tout se passe bien, tu pourras peut-être revenir. Peut-être. Je vais essayer de pas être malade. Non, faut que t'aies plein de virus parce que faut qu'on sache quelles sont les saloperies. Que ces gens, ils ont. Peut-être pas sur eux, mais souvent avec eux. Ce qui est génial, c'est qu'on pourra inventer des noms à ces virus. Par exemple, allez, j'imagine le Covid. Ah, c'est bien ça, Covid. Ça fait très vite. Quand est-ce hein que j'arrive sur Terre, moi? Parce que du coup, j'ai les plumes dans le cul. Allons-y, non? Bon, allez, on la pousse. On avait dit qu'on la poussait pas. Je peux pas dire, mais elle va survivre. Ouais. Alors je propose maintenant sur qu'est devenu Jiki, notre mousse. Vous le saurez dans le prochain épisode. Voilà. D'accord. Rencontrera-t-il les humains? Que se passera-t-il? Sera-t-il mort à l'atterrissage? Alors, parce qu'on l'a poussé, est-ce que tu veux le prochain épisode ce soir ou une autre émission? Parce que on peut se dire que là on écoute une musique et puis on revient après. Alors on a le quiz pour terminer l'émission. Et est-ce que tu veux un petit... On peut faire quelques minutes. Quelques minutes, d'accord, très bien. Alors on écoute Machine Gun Cutter. Oh là, c'est allemand. Voici Dance Monkey, mais alors pas Dance Monkey, mais D-E-N-C-E Monkey. Genre Justice avec Dance Monkey de... Ok. Aidez-moi. Comment elle s'appelle? Je sais pas. Vous m'aidez pas. Je sais pas de qui tu me parles. Mais si, Dance Monkey. Ah, non, le pas tube de 2020. C'est pas de Jiki, celle qui vient de... On va dire peut-être que c'est Jiki. On va retrouver le nom de l'artiste entre les deux. Vous bougez pas, c'est une des stars, c'est l'émission à la maison. Il y a le quiz qui arrive et une autre partie de notre histoire extraterrestre. Welcome to Texas, babies. Yes, et bienvenue sur Indestar. Welcome to Indestar avec à l'instant Justice mélangé à Tom the Eye. C'est ça le titre qu'on cherchait. Ah ouais, avec ouais. Dance the Hansi. Bon bah, je vais Monkey. Y aller. Pourquoi? Je galère avec ce nouveau Steam Deck. C'est vrai que t'as galéré. Ouais, t'as galéré, mais tu vas t'y faire. Tu vas ouais, t'y faire. Je vais le débrancher. Pas avant la fin de cette émission, mais peut-être avant la fin de l'année. Ouais. On était à l'instant dans une histoire passionnante, avec des personnages passionnants, où on avait notre petit mousse qui partait à l'assaut d'une nouvelle planète avec une plume dans le cul pour un carnaval. Voilà, c'est un peu techniquement, l'histoire. Ouais. Techniquement parlant, il partait pas vraiment à l'assaut, il est plutôt tombé sur la terre. Il est tombé à l'assaut. En fait, on l'a poussé à l'assaut. Oui. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais vous l'avez poussé sans rien. Alors justement, on va se replonger dans l'histoire et avant le quiz pour terminer cette émission, et on va découvrir si notre mousse va mourir tout simplement ou si on va pouvoir le sauver. Salut. Terminé. Allez, c'est reparti. C'est ça l'impro, c'est qu'on oublie des choses des fois. Donc, là, on oublie le parachute pour les coups. Oh mince! Le parachute, merde! On oublie un détail! Et le robot! Tu as dit que tu construirais un robot! Oui, mais j'ai le robot! Ah, tu l'as? Ah, mais c'est génial! Je vais pouvoir utiliser mon speed 3000! Ma nouvelle invention pour rattraper notre mousse! Y'a un bouton à appuyer? Non! Ok, je lance! Je mets le speed 3000! Et c'est reparti, mon kiki! J'ai cru que vous m'avez vraiment balancé sans rien me donner, hein, franchement. Oh, mais... c'est pas notre genre. On l'entend dans notre oreillette. Tu nous entends bien? Oui, je vous entends. Sur 4 sur 5. C'est du HD, hein. J'ai vraiment cru que j'allais mourir, en fait, les gars. Non, c'était une petite blague. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien, ce mousse? C'était un pizutage. Mais c'est pas très. J'arrive bientôt sur une sorte de terre là. Qu'est-ce que je. Oui, alors c'est là, si tu terre. Regardes mon GPS que je viens d'inventer. Oui. Tom Tom, parce que j'ai deux fils, c'est des jumeaux. Nana. J'ai aussi une fille, effectivement. Et... Elle est gentille, ta fille. Et là, normalement, tu devrais te diriger tout droit vers Rio. Ah, Rio. Rio de Janeiro. Tu vois quoi? Je vois des étendues toutes vertes, toutes vertes. Il y a plein, voilà. Y a plein de branchages, il y a plein de... Oh, des perroquets. Alors, arrête-toi dans ce qu'ils appellent une forêt. Ah, d'accord. Pour être discret. Ok. Ah là, c'est à peu près un atterrissage réussi. On appelle ça atterrissage parce qu'on est sur la terre, hein, évidemment. Sinon, ce serait un napalmitage. Un napalmitage, évidemment, chez nous, c'est ce qui correspond. C'est vraiment différent d'un napalmitage, parce que je ne peux plus retourner dans les airs maintenant que je suis par terre. Ouais, c'est pas faux. Techniquement, ce n'est pas le but que tu remontes. pour l'instant, tu vas rester contre, en bas. Le fait que tu sois accroché au branchage, ça, c'était pas prévu. Mais bon, les imprévus du direct, comme on dit. Oh, il y a une sorte de truc gluant, glissant, qui vient vers moi. Oui, c'est une limace. Il a une langue. Pourtu. Ah non, c'est pas une limace. Alors écrase-le, c'est très dangereux. T'es en train de le manger là? Vraiment? Il est en train de me parler. Ah! Non, il veut te bouffer. Il veut te manger, je confirme. Parce que j'ai pas... ça dans mon annuaire. Mon traducteur automatique ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais? Écrase-le. Oui. Non, je peux pas. Non. Scrooge quand même, Scrooge. Je me casse. Bon bah va vers la ville la plus proche. Vu que tu as un déguisement d'humain, théoriquement, j'ai l'impression que ces plumes dans le cul la freinent un peu. Hein. Peut-être que ça n'aide pas. Mais je suis vraiment pas habitué à cette pesanteur. C'est vraiment lourd. Ouais, c'est lourd. Alors, si les plumes te freinent, faut les enlever. Hein. Non. Et mon carnaval alors. Ça va faire sens. Ok. Je suis en ville. Bon. Il y a des gens. Je suis timide. Oh. Ah. Va rencontrer un humain, voir ce que ça donne. Ok, j'y vais. Oh là, j'ai quoi ce machin? Bon, avec ses plumes dans le cul là. Bon, bonjour. Je suis Carnaval. C'est ton nom? Non, m'appelle Kylian. Ah. Tu m'entends, c'est un nom, ça? Kylian, mauvais choix stratégique, ça, mauvais choix. J'ai paniqué. Réponds-lui que tu viens en paix. C'est une phrase qu'ils aiment bien sur Terre. Je viens en paix et je fais du carnaval. Tcha-tcha-tcha. Je suis pas sûr qu'on utilise le mot carnaval dans ce cas-là, mais bon, c'est pas grave. C'est bizarre parce que... je viens en paix, en général on dit ça quand on veut nous faire des vacheries. Hein. Ah, dis-lui que t'es français, il va comprendre. Dis-lui que t'aimes bien les vaches. J'aime les vaches et je suis français. Ah, le fromage. T'aimes bien le camembert? Oui, c'est une question piège. Camembert. Bien sûr que tu aimes, tu es français. Ah oui, bien sûr que j'aime, je suis français. Tu aimes le pain? Oui, là aussi ça marche. Tu en as un sous ton bras. J'ai un sous. La baguette. Si tu veux t'en sortir, il faut répondre ça. J'en ai sous mon bras, regardez. Ah. Bah, c'est un petit morceau alors, hein. Miam. La baguette. Ah. Oui, la baguette, le fromage. Troisième question pour voir si t'es bien français. Oui, bien sûr. Aimes-tu? Je crois qu'il a bugué. Ils appellent ça comment ça? Ah ouais. Ah ouais, au Japon, ils appellent ça le fugu. Le fugu. Qu'est-ce que c'est que ça? MQ le fugu. Dis-lui. Attends, faut qu'on. Non, parce que t'es français, j'aime que la cuisine française. Je consulte ma base de données. C'est quoi? Non, tu n'aimes pas, Non. Bonne réponse, elle est française. Bon. Il est français, pardon. Ouais, enfin, oui. C'est pas trop. C'est à cause des plumes dans le cul, hein, je me suis trompé. Oui, hein. Mais bien sûr. C'est une tradition. C'est une tradition française. Essaye d'engager une conversation, parle-lui de bagnole. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les voitures, ça fait tut-tut, non? C'est très bien, ça, c'est très bien. Ça, bien trouvé. Ça fait aussi vroom-vroom, mais bientôt, ça fera peut-être plus vroom-vroom parce qu'on n'aura plus d'essence. Ah, T'es sûr qu'il est pas à nous, ce gars-là? C'est une denrée rare, ça, l'essence, sur Terre. Parle-lui de la fin de l'essence. La fin de l'essence. Où est le sens de l'essence? Parce qu'il y aura une fin. Hein? En fait, ça le fait cogiter, mais je sais pas si on avance vraiment. Je sais pas, on va se faire démasquer, j'ai l'impression. Non, mais allez. Je viens car je veux faire du carnaval. Bon. Regardez ce mouvement de danse. Ça, c'est français, ça, de vouloir faire du carnaval. Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha. T'es français brésilien, toi? D'un grand-oncle? Oui, c'est bien ça, les grands-oncles. Un grand oncle brésilien. Bon, c'est bizarre. Bon. C'est bizarre. On va peut-être laisser de côté parce qu'il nous avance pas grand-chose. C'est lui qui aime le football. Mais j'ai des doutes quand même. Hein, parce que français comme ça, d'accord, au niveau de la bouffe, ça correspond. Oui. Mais le reste... Est-ce que je peux parler à quelqu'un pour faire du carnaval? Ah oui, on va parler au chef du carnaval, à Carlos. Carlos, c'est le chef du carnaval. Ok, c'est parti pour voir Carlos. Oui, qui va là, je te prie. Bonjour. Je veux démocratiser mon type de danse carnaval. Alors, votre langage est un petit peu... comment dire? Oh, je trouve plus les mots ce soir. Mais décrivez-vous, qui êtes-vous déjà? Je suis... D'où venez-vous? Kylian. Ouais. Dis-lui que tu es français. Je suis français et j'ai un grand-oncle brésilien. M'en fous. Alors là, m'en fous complètement. Mais bon, vous êtes français, d'accord. Et vous faites le... Ah oui, j'ai entendu parler du carnaval de Dunkerque en France... Vous connaissez? Ah, dis-lui que c'est pas pareil. Les harengs, tout ça. C'est pas pareil. Ils ont pas de plumes dans le cul. Je veux démocratiser. Insiste bien sur les plumes dans le cul. les plumes. Les plumes. T'as très bonne idée, les plumes. Les plumes, les maillots de bain, le tcha-tcha-tcha. Oui, nous aimons tout ce qui est plumes et coloré ici. Et que voulez-vous apporter à notre communauté? Eh bien, regardez, si on fait tous cette danse en même temps, ça peut faire quelque chose de grandiose. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. Oui. Tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha. Il a l'air convaincu. C'est bien parce que nous on avait pensé au tcha. Ah. On avait même pensé, alors on l'avait un peu renvoyé dans son pays, mais l'année dernière on avait une proposition de tcha-tcha. Mais alors, le tcha-tcha-tcha, on nous l'avait pas encore fait celle-là. Merci. Mais dites-moi, Carlos. Oui. Un problème, je me présente, je suis Bob, je suis astronome. Évidemment. Astronome amateur, oui. J'ai une question à poser à Kylian. Kylian est bizarre pour un Français quand même. Hein. Vouloir faire du tcha-tcha-tcha à Dunkerque. Pas à Dunkerque, mais. Nous sommes à Rio de Janeiro ici. C'est la fête. C'est pas normal. Il est louche, et j'ai vu un truc dans le ciel pas normal. Vous avez vu un truc dans le ciel pas normal? Ouais. Comme un vaisseau spatial. Oh là là, mais vous allez très loin. En forme de palmier. Votre Bob, c'est ça? Oui, Bob. Oui. Bah, vous ferez mieux de porter une casquette, voilà. Allez. C'est notre louche. Ami a beaucoup à nous apporter, C'est louche. Non, ce n'est pas louche. Ah, je crois entendre une nouvelle news. À ce qui paraît, il va y avoir du tcha-tcha-tcha au lieu du tcha et du tcha-tcha. Oui. Pouvez-vous m'en dire plus? Mais justement, alors merci au journal local d'être venu me voir aussi rapidement pour apprendre... J'entends tout, je vois tout. Vous faire part de la nouvelle. Mais c'est exceptionnel, nous allons monter dans notre chère ville de Rio de Janeiro une nouvelle danse, un nouvel événement qui va consister à multiplier tout simplement par 3 notre tcha. Oh, mais c'est incroyable, mais qui est le précurseur de ce nouveau tcha-tcha-tcha? C'est moi! C'est moi qui en ai eu totalement l'initiative! Je tiens à rajouter que... Non, c'est moi. Oui, Kylian. Non, mais vous avez légèrement soumis... Non, mais, oh, taisez-vous, Kylian! Je suis témoin. Kylian a donné les paroles, mais Carlos a mis la musique. Oui. Ah, donc Kylian et Carlos, vous êtes aujourd'hui un peu des partenaires. Voilà tout ça. Bon alors, je n'irai pas jusque là. Vous êtes bien intrigué, Kylian. Continuez. Mais disons que j'ai eu vent de cette proposition de tcha-tcha-tcha et pour faire vivre notre ville, pour faire vivre notre pays, je me suis dit qu'il fallait innover. L'innovation, c'est chez nous, c'est nous. Et nous mettons en œuvre toutes les dispositions qui nous sont mises à disposition pour mettre à disposition du public. D'accord, c'est sans doute une question de disposition. Exactement, nous sommes disposés à prendre de nouvelles dispositions. Chiki, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends toujours? Oui, c'est à moi que tu parles. J'ai une petite idée. Oui, dis-moi. J'ai vu que sur leur planète... C'est moi qui ai les idées, normalement. J'y parle dans sa tête. Oui, c'est beau. J'ai vu qu'ils ont un truc qui ressemble beaucoup à nos tentes qui s'appelle des Quechua. Sur Terre, on pourrait multiplier notre espace de vie. Hein. Bah ouais, totalement. Faudrait leur demander des Quechua. J'ai une petite proposition avec le tcha-tcha-tcha. On pourrait rajouter des tentes Quechua. Quel choix ? Eh ben ça, c'est nous qui allons le faire. Quel choix ? C'est quand même pas vous qui allez m'apprendre que dois-je choisir des tentes. Pourquoi vous voulez mettre des tentes ? Parce que, en fait, si les gens viennent tous au carnaval, il n'y aura peut-être pas des places partout pour dormir. Ah, vous voulez dire des tentes pour dormir? Moi, j'étais avec mon cousin, c'est pas ça. Non, mais j'ai un grand-oncle qui est... Ouais, vous avez compris, hein. Alors, j'ai une tante, moi. Elle est canadienne. Elle fera très bien l'affaire. Je pense que l'on s'en fout à ce stade-là. Donc, il y a un projet de tcha-tcha-tcha et de tante Quechua, mais où va le monde? Eh ben, réponse dans le prochain épisode, hein. Absolument. Cette série est magnifique. Je sais pas. Non, je sais pas non ça plus. Ça part en live. N'est-ce pas? Je pense que rien que pour digérer, on va écouter Anafri. Et après, il y a le quiz pour terminer cette émission. Voici In My Place sur Indestar dans cette émission à la maison. Si vous venez d'arriver, vous dites, mais c'est n'importe quoi, Indestar. C'est Vous avez pas tort. C'est vrai. Le quiz arrive dans cette émission à la maison, tout de suite. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Indestar, l'émission à la maison avec la musique, vous la reconnaissez peut-être dessous, c'est celle du quiz, c'est celle du fight. Entre nos 3 candidats ce soir, qui sont présents physiquement au studio d'Indestar, donc ils vont vraiment ça pouvoir se casser la gueule. Voilà. Il y a Daniel, bonsoir Daniel. Yo, je suis là. Et il y a Laura, bonsoir Laura. Bonsoir. Et il y a Tony, bonsoir. J'avais t'exploser ton gueule. Alors, comment tu me causes, toi là? Quand on parle. Comment il s'appelle? La baston. Comment? Stallone, je sais pas. Ah non, oui, enfin, oui, Stallone qui joue. Rambo. Voilà, merci. Rocky. Rocky. Au choix. Ouais, c'est ça. Et ben, on défonce ton gueule. Ouais, et puis on ne parle plus français. Bah, bien sûr. Ouais, c'est normal. Évidemment. Alors, je rappelle le principe du quiz. Vous pouvez jouer à la maison. Vous pouvez prendre une feuille avec les enfants, les petits-enfants. Je rectifie, vous devez jouer à la maison. Vous devez prendre une exactement. Et d'ailleurs, j'ai un grand-oncle qui est brésilien. Ah ouais. Il peut jouer lui aussi. Et il peut jouer, bien sûr. Ah super. Il nous écoute certainement en direct. Bah alors, le grand-tonton à Laura, tu prends une feuille, tu prends un stylo et t'écoutes surtout. T'écoutes. Et t'écoutes. Hein. On sait bien, on donne pas d'ordre ce soir. Donc, comme d'hab, cette question, à chaque fois, je propose 3 réponses. Parmi ces 3 propositions, il n'y en a qu'une seule de bonne. Je vous propose à chaque fois de donner votre réponse et après, je la donne. Dans la nuit du 24 au 25 février 1942. Quelle ville fut le théâtre d'une forte manifestation d'OVNI? Donc on rappelle, OVNI c'est les objets volants non identifiés, hein, ce qui va déclencher des tirs de l'armée américaine, carrément. Est-ce que cette ville c'est la ville de New York, la ville de Phoenix ou la ville de Los Angeles, aussi appelée LA, la cité des anges? New York, Phoenix ou Los Angeles. À votre avis, Daniel? Ah merde. Ah, j'attendais autre chose. Tu attendais autre chose? J'attendais un autre nom, mais non. Bah non, 242, non, c'était pas la bonne date. Allez, Los Angeles. Los Angeles pour Daniel. Laura. Mmh. J'avoue que je sais pas. Parce qu'il m'avait l'air mi-sûr, mi-pas sûr. Mi-figue, mi-raisin. En fait, je suis plus mi-pas sûr que mi-sûr. Hein. Parce que Phoenix, ça me rappelle d'autres événements, mais je ne sais pas si c'est la bonne date. Et j'ai peur que tu nous entourloupes par cet effet-là. Ah, petit coquin. Mais je vais quand même dire Phoenix. Phoenix pour Laura. T'as vu la copie, toi? Teddy. Bah non, c'est bien Daniel qui a raison, Los Angeles. D'ailleurs, c'était assez grave hein, parce qu'ils ont tiré sur des trucs, il y a eu des retombées, ils ont fait 3 morts. Tu connais ça? Ouais. La tête étonnée de ouais, te... Quoi que... Teddy connaît quelque chose. Mais trop violent dans tes paroles. Il m'épate. Ouais, alors c'est ce qu'on a appelé la bataille de Los Angeles. En fait, au départ, les autorités pensent qu'il s'agit d'une attaque de l'aviation japonaise comme à Pearl Harbor qui avait eu lieu quelques mois plus tôt. Bah, sauf que les Japonais ils disent non, bah non, c'est pas nous. C'est pas en nous. Fait, on y est pour rien. Est-ce donc... que c'était pas juste un mensonge? Non, c'est extraterrestre, c'est pas nous. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste encore un mystère. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai dit ça au hasard en fait. Hein. Oui, bah, ça, je m'en doute. C'est rien. T'es tellement sûr. Ouais, bah, oui. Rien. Mais c'est comme tout à l'heure avec le chat. T'étais en mode ouais, je vais être un chat. Bah oui, j'ai un chat. Et là, ouais, il s'est passé un truc à Los Angeles. Bah oui. Pour faire sûr à 100%, tu fais sûr à 120%. Ouais. Wow. Et ça, en fait, plus il en fait, moins il est sûr. S'il est sûr à 400%, c'est qu'il est sûr à 25%. Voilà. Ouais, je dirais moins 33%. Je dirais non, moins ouais, 25%. 33 même. Parce que j'ai une chance sur 3. D'accord. Ah. Oh. Question numéro 2. Donc là, on a un point pour Daniel et un point pour Teddy. Oh, bravo. Merci, merci. En 1947, c'est là où a eu lieu le premier crash d'OVNI. Mais près de quelle ville est-ce arrivé? Donc est-ce que c'est la ville de Roswell? La ville, hein. Est-ce que c'est Denver ou est-ce que c'est Portland? Donc Denver, Roswell ou Portland? À votre avis, Teddy? C'est Roswell. Ok. À ton avis, pourquoi c'est si célèbre que ça, Roswell? Je te dis, c'est un lieu de mythe en pop culture. Laura. Je pense que c'est Roswell parce que du coup, c'est le nom qui m'évoque le moins de choses avec Denver et l'autre que t'as cité. L'autre, c'était... Et je me dis, pourquoi il... Portland. Enfin, à moins que tu sois assez vicieux pour prendre un truc de Roswell, genre, ah, je vais prendre un nom au pif sur la carte des États-Unis. C'est pas au pif. Tout le monde a déjà entendu parler de Roswell. Oui. Pas moi. C'est de la pop culture. Non, c'est de la culture. C'est de la pop. Ah non, c'est pop. Quand les ovnis, c'est pop. C'est populaire. Il y a beaucoup c'est, de gens aiment bien croire. C'est les deux, je dirais. Parce que du coup, la pop culture s'est imprégnée de ça par les films, les séries et compagnie, en fait. Mais à la base, c'est vraiment un truc scientifique. Société. Sociétal. Oh, ouais. Qui s'est transformé en pop. Beaucoup d'éléments de la pop culture, finalement, viennent des choses de société, en fait. Là, on retrouve notre Laura journaliste. Hein. Bonsoir. Daniel, tu dis quoi? C'est Roswell, parce que ça a fait... Moi, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, donc c'est Roswell. Ça a fait grand bruit, effectivement. Surtout quand l'OVNI est tombé, je te dis pas le bordel. Bah, quand tu mets en gras, c'est que c'est la bonne réponse. Oui. Roswell au Nouveau-Mexique, le 4 juillet 1947. C'est vrai que t'es avantagé, Teddy, là. Non, non, mais... Arrête de tricher, Teddy. Alors, techniquement, je l'ai vu, mais je vous l'ai balancé. Donc, vous étiez même pas obligé de me suivre. C'est vrai. Non, mais moi, je le savais. Hein. Arrête de regarder. Moi aussi, j'avais des doutes, parce que dans Marvel aussi... Alors, pour l'histoire, c'est un fermier qui a retrouvé je ne sais plus quel débris avec des trucs noircis, calcinés autour dans son champ. Ou le marteau de Thor. Mais c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup plus, parce que le gouvernement américain... Il cache tout. Il a caché tout. Avec la fameuse zone 51, on en parlait en fait, tout à l'heure. Maintenant, vous le savez, c'était Jiki qui a répondu de Rio à Roswell. Bah oui. Ouais. On va dire ça. Et voilà. Le pauvre Jiki, maintenant, il est... Et il y a eu quand même plusieurs témoignages, mais cela dit, le gouvernement américain a les dit simplement... Ouais, non, les a fait taire, alors oui. Et puis a dit, oui, non, c'est un ballon qui est tombé. Un ballon de foot de la FIFA. Bon, cela dit, on a quand même une petite idée de ce qui s'est passé, parce que beaucoup plus tard, en 2017... Il y a un organisme américain de premier ordre qui a révélé avoir eu un programme d'observation d'OVNI. Donc, ils se sont dit, il n'est pas arrivé de je ne sais où, ce programme d'observation d'OVNI. Mais qui a révélé cette information? Est-ce que c'est le Pentagone, la Maison Blanche ou la CIA? à votre avis, Laura? Qui a révélé l'information? Ouais, qu'il y avait eu un programme d'observation d'OVNI. Pentagone, Maison Blanche ou CIA? Pentagone. Ça reste pas que des Américains, tout ça? Ah bah si, c'est américain. C'est 100% américain. Faut vraiment être con. Non, pardon. Tiens, Teddy. T'as dit quoi, Laura? Le Pentagone? Ouais. Le Pentagone. Ok. J'ai confiance en Laura. Daniel. Bah moi, je veux dire que j'ai confiance en moi et je veux dire le Pentagone. Tu le savais? Oui, oui, moi, pour moi, ça peut être que le Pentagone et il me semble que c'est ça. C'est ouais. Les pires boulets de la mairie. mais, c'est vrai, oui. Alors, attention, hein, ça aurait pu être la CIA ou la Maison Blanche, hein, quelque part. Non, ça peut être que le Pentagone, parce que là où était donc, je vais dire détenu, parce que j'ai pas tout de mots en tête, ouais. Où est mis, où c'est, ça dépend du Pentagone. Donc, si quelqu'un l'a révélé, ça peut être que le Pentagone. D'accord, très bien. Ça aurait pu être le FBI aussi. Non, t'as dit la CIA. Ouais, j'ai dit la CIA. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas le FBI dans mes propositions, mais ça aurait pu. D'ailleurs, dans X-Files, comment s'appelle l'agent du FBI omnibulé par le cas d'OVNI? Est-ce que c'est Jack Mulder? Est-ce que c'est Harry Mulder? Ou est-ce que c'est Fox Mulder? Ah bah oui, si. Jack Mulder, Harry Mulder ou Fox Mulder? C'est Mulder, hein, mais bon. America, Mulder. Daniel. J'allais dire qui a vu X-Files, mais. Je l'ai pas vu, moi. Moi, je l'ai vu. Je mettrai le 1. Le Jack Mulder, ok. Laura. Le Fox. Alias le renard, peut-être, je ne sais pas, parce que Fox, ça veut dire renard. Oui. C'est bien. T'as dit. Ouais, non, c'était Jack Mulder. Ouais, parce que c'est. Ah, c'est la française, c'est Fox. C'est Fox et Mulder dedans. C'était Fox Mulder. Merde. T'avais l'air trop sûr de toi. Ouais, ouais. Et tu as cru. C'est pas deux personnages, Fox non, et Mulder non, non, non. Non, c'est un seul personnage. Ah, je croyais que c'était deux. Fox Mulder. Voilà. Tu savais alors que c'était qu'un personnage, Laura? Fox Mulder, oui. Ouais. Bah oui. C'est vrai que c'était qu'un personnage. Il y avait Jack Mulder. Pourquoi tu me l'as pas dit? Fox Mulder. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris non plus. Non mais, elle savait, puis je lui dis un peu en me fâchant, bah pourquoi tu me l'as pas dit que c'était... Ah bah oui. Bah ouais. Parce que t'as répondu avant. Bah oui. Déjà, rien que pour ça. C'est une bonne raison. Ouais. Et oui. 1978, il y a un jeune pilote australien qui a disparu mystérieusement lors d'un simple vol de routine suite à l'observation d'un ovni. Mais quel était son nom? Mais on s'en fout. Est-ce que c'est Hans Valentich, Ronald Valentich, Weasley, ou Frédéric Valentich? Teddy. Alors attendez, Ron, Fred ou... Non, Hans, Ronald ou Frédéric. Oh bah c'est Ron. C'est Ronald. Ouais. Ouais, Ronald. Ouais. Ok. Teddy va pour Ronald. Il m'enlève déjà un point. Daniel. Alors t'as dit Hans, Ronald et... Frédéric. Pas Frédéric, Frédéric. Frédéric, ouais. Hans, Fred ou Ron? Hans. Laura. Ah bah moi du coup je vais pas faire comme les autres, je vais dire Fred, hein. Ouais. Fredo. C'est la bonne réponse. Et bim. Alors en fait pour la petite histoire, le mec volait quand il a vu un ovni, donc il a appelé la tour de contrôle pour demander s'il y avait d'autres avions dans la zone de vol. Donc les mecs lui ont répondu bah non, on voit rien. Et pourtant c'est bizarre parce que lui il voyait un autre appareil. Donc il va s'approcher, la radio s'est mise à grésiller, contact perdu, avion disparu, il est toujours disparu. Qui c'est à l'avion? Et le monsieur aussi. Ah. Les deux. Question c'est suivante. Bah un peu, hein, quand même. Si ça se trouve, je vais maintenant vous parler d'un couple qui serait revenu d'un enlèvement extraterrestre. En fait, c'était en 1963. Ah, oui. Mais est-ce qu'il s'agissait du couple Hill, du couple Stevenson ou du couple Dixon? À votre avis, Laura? Hill, Stevenson, Dixon, enlevé par les extraterrestres en 1963. Hill. Teddy. C'est les Stevenson. Daniel. Tout le monde se trompe, ce sont les Dixon. Ça marche? Eh bien, figurez-vous que l'un de vous ne se trompe pas. Oh, c'est dingue. C'était prévu. C'était le couple Hill. Bonne réponse, Laura. Abusé. Qui fait quasiment sans faute hein, depuis le début. Il s'agit du premier cas où les personnes affirment avoir été enlevées par les extraterrestres et où des extraterrestres de petite taille et de couleur grise, hein, pour ils les décrivent comme ça. Alors ça semble un peu gros comme, comme témoignage. C'est réel, voyons. Cela dit, on les a quand même interrogés séparément pendant plus de 7 mois et ils se sont jamais contredits et leur version était toujours concordante. Ah ouais. Moralité, si vous êtes enlevé par des extraterrestres, ne dites rien parce que sinon votre garde à vue sera plus longue que si vous avez tué toute votre famille. Terrible. C'est la dernière question maintenant. En quelle année est acté le paradoxe de Fermi? Le fameux paradoxe de Fermi. Est-ce ouais, que c'est en 1950? Ouais, on connaît tous le. Tu veux pas expliquer c'est quoi le paradoxe de Fermi? Si, avant... je vais l'expliquer, mais après. Putain, mais. Bon, c'est vrai que je pourrais. Ouais. Bah oui, ça serait mieux parce que savoir une date sur quelque chose qu'on connaît pas, c'est compliqué. Je suis pas sûr que ça va vous aider, mais je vais. Oui, mais voilà. Le paradoxe de Fermi, c'est le nom donné à une série de questions que s'est posé un mec lors d'un dîner avec des potes. En gros, il a dit Hé, Gérard! Ouais? S'il y avait des civilisations extraterrestres, on devrait déjà en avoir chez nous, hein! Ils sont où les drôles? Ouais, en gros, il a dit ça. Bon, sauf que le mec, c'était quand même un grand physicien, prix Nobel, tout ça, tout ça. Alcoolique, donc, on oui, en a fait une interrogation célèbre. D'après la mais... loi, oui, alcoolique. Hein. C'est vrai que c'est peut-être même pas comme ça qu'il l'a dit, mais l'idée était là. Mais à votre avis, est-ce que c'était plus en 1950, en 1960 ou en 1970 ça? J'ai toujours pas compris le truc. Le syndrome, en gros, c'est le fait de dire « Ouais, mais pourquoi ?» si on parle d'extraterrestres, pourquoi ils sont pas déjà chez nous, en fait? Bah ouais. Et ils sont cons. Et voilà. S'il y a des extraterrestres, ils viennent chez nous. C'est ça, à ma maison, à moi. Non, mais c'est une réflexion con, mais voilà, c'est le syndrome de machin. Tu vois, tu ouvres la porte, tu leur offres l'apéro, et puis voilà, tu trinques. Bah si vraiment il y avait des extraterrestres, ils seraient venus déjà, là. Ils seraient venus manger un truc à la maison. Mais c'est une théorie, ça. Au Québec. Oui, bah tu sais, voilà, ils avaient, il fallait bien qu'ils inventent un paradoxe, c'est le paradoxe de Fermi. 1950, 1960 ou 1970, Daniel? On rappelle la définition de paradoxe. Faut que je réponde? Oui, alors c'est mieux. Y en a pas un qui peut souffler? Ah non, ça marche pas. T'as un choix sur trois. C'est quoi les réponses? 50, allez. 60, 70. Ouais. Allez, je vais prendre... 60. C'est sûr. Non, mais en plus, c'est ce que j'allais dire. Je sais. 60 pour Daniel. Teddy. J'expliquerai 70. Pourquoi après. 70 ? Ouais. Laura ? Et moi, je vais juste vous faire chier pour prendre autre chose. Je vais dire 50. Je croyais que t'allais dire 40. T'as pas le droit d'avoir raison si tu c'était prends autre la chose. Bonne réponse. Abusé. Bravo, Laura. Teddy, tu trouves pas qu'il y a du favoritisme? Bah, parce qu'il attend toujours qu'à répondre pour lui dire qu'elle a la bonne réponse. C'est pas nous, on répond, il nous dit pas t'as la bonne réponse. J'ai remarqué aussi, elle a jamais commencé à poser. Bah si, une fois. Ouais, mais une fois, tu vois, sur 7. Ouais, ouais, si. Oh, ça va. Si. Là. Puis, t'as vu le nombre de fois qu'elle a ouais, fait. Ouais, je crois que j'ai raison alors qu'en fait t'as pas raison. Et tout ça pour chez que, toi. Tout ça pour qu'il dise à elle non. T'as la bonne réponse. N'empêche que c'est grâce à Laura que quelque part on se. On connaît le paradoxe de Fermi en 1950. Non, ça c'est grâce à moi. Mais on a une égalité. En bas de l'échelle, vous n'avez pas la moyenne, les gars, vous passez pas la case supérieure. On a donc Daniel et Teddy, effectivement, 3 bonnes réponses sur 7. C'est pas une Jolene, ça va. Ouais, on doit être des extraterrestres parce qu'on connaît pas l'histoire de la Terre. Hein. Et c'est pas ouf. Alors que Laura est à 6 sur 7. Yeah. Bravo, belle victoire. Merci. Moi je dis bravo. Teddy, j'applaudis même pas. Teddy, pourquoi c'est toujours les premiers qu'on les félicite et jamais les derniers? Bah bravo les derniers d'avoir perdu, bande de losers. Ouais. Alors c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de félicitations, parce que c'est encore plus dur. Comme disait Céline Dion dans une chanson, les derniers seront les premiers dans une autre réalité. Voilà. Ouais, mais on change pas de réalité comme ça. Ouais, elle a vraiment dit ça. C'est écrit par Jean-Jacques Goldman. Oh, ah oui, c'est cool. Vas-y, change de réalité pour voir. Allez, vas-y. Bah, allez. Non, ça marche pas. Alors, t'es toujours dernier. Bah, pourquoi tu changes pas de réalité? Premier partant de la fin. Parce que tu peux pas. Bah, c'est le paradoxe de machin là. Non, ça c'est le paradoxe de Yann de Théo, pardon, de pas pouvoir changer de réalité. Ben, on peut pas changer. Par contre. Chose exceptionnelle dont j'ai le pouvoir, c'est que là, on peut revenir. On est vendredi soir 23h38, mais Je me dis que cette émission qui est censée là être en direct, vous pouvez l'écouter en podcast. Pas en direct. À lundi à 14h. Et peut-être même qu'on peut l'écouter dans une autre réalité, peut-être même dans une autre contrée. Peut-être que vous, chers extraterrestres, vous pouvez nous écouter. Ouais, et d'ailleurs, cette émission, je tiens à le dire, sera traduite en... En extraterrestre. En extraterrestre. À vous, tu cherchais une langue. Et ça commence pas mal, t'as vu la vanne. On était bon sur le début de l'émission. Hein. C'est beaucoup moins sur la fin. On vous quitte avec le son Downtown Girls. C'est un remix et c'est signé. On c'est pas signé. Maxine. Voilà. C'est pas signé. Non, c'est pas signé. Maxine. Parce que c'est un extraterrestre qui a créé ce son. Tout à fait. On se retrouve lundi juste après le week-end. Nouvelle émission à partir de 21h. On vous souhaite excellent d'ailleurs ce week-end. Peut-être qu'il va faire beau. Non, c'est pas prévu. Et peut-être pas que vous verrez un extraterrestre. Pas ce week-end-là. Mais ça dépend où vous habitez en même temps. Si vous êtes à Tahiti et que vous êtes en train de planter des bambous, des palmiers, des palmiers aussi, les bambous, les palmiers. C'est pas la bonne période l'été pour Je crois que c'est la mousson. C'est à l'inverse de nous. Hein. Ouais. Bon, bah nous, c'est pas la bonne période non plus, apparemment, pour ce week-end, mais bon, ça va arriver la semaine prochaine, promis. Oui. De la musique maintenant et des bisous. Des gros bisous. Bah oui, des gros bisous. Bonne nuit. À lundi. À lundi, tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.